Il y a une belle run de Jurassic Park tantôt à No Reset là. Je l'ai écouté juste d'un œil. Tu t'en es déjà passé? Ah oui, oui, oui, c'était tantôt. C'était tantôt. Ah, je dormais. Mais c'est tout ça enregistré quelque part. Ouais, ils vont avoir des votes après, puis ça va être sur YouTube. Et j'imagine que c'était Super Nintendo, ça. Oui. Ok. Je pensais pas que c'était cool de même, comme le jeu il est à la fois top-down de temps en temps, puis first-person de temps en temps. Ouais, c'est... Celui avec le bras c'est cool. C'est cool en concept. Pas. Non, non. Ok. Bremou, c'est Trespasser à l'ordi. Ok. Ah. J'ai pas remarqué qu'il y avait c'est un. J'espère que ça serait cool si ça, ça s'appelait Jurassic Park Bremou, mais non, ça s'appelle Jurassic Park Trespasser. Trespasser. Nous sommes le jeudi 18 mars 2021. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 313. C'est un palindrome. Mm-hmm. Wow! Je suis Narf. Je suis Blob. Et je suis Anne-Marie. Et je sais pas comment follow-up après un palindrome. Ben, j'ai pensé que Blob, c'était presque un palindrome. Mm. Faudrait que ce soit Blolb. Ou juste Bob. Ça m'intéresse pas d'aller jusque-là. Bob? Ouais. J'ai trop Bob. Peur d'être bu. Bob avec cheveux. Clairement. À ce soir, là, moi, je pense qu'on devrait commencer parce que Anne-Marie, elle s'est préparée. Comme... Ouais, all right. Anne-Marie, elle s'est préparée, c'est comme... C'est rare. Non, Dranziar, ça suffit. Écoutons Anne-Marie qui s'est préparée, là. Je n'aime pas ça parce que les gens disent « Amna », la majeure partie, genre, la moitié du temps, ils disent « Amna », puis l'autre moitié, ils disent « Amna », là, fait que... J'aime comment Finnragm est facile à prononcer. C'est très naturel, ça file comme dans n'importe quelle langue tu pourrais dire ça, puis c'est aussi élégant que genre Kodak, dans toutes les langues, c'est facile. Est-ce que Kodak c'est un palindrome? Non, pas en tout. Faudrait que ce soit Kodak. Kodak. Tu me prends-tu en photo avec mon Kodak? Ouais, ça. C'est pareil. Kodak. Bon. Fait que là, t'as joué à des jeux, finalement. Oui. Et on a tous joué à des jeux. C'est une bonne semaine, quand même. C'est vrai que cette semaine, la semaine a été productive ou plutôt non productive. Comme si les jeux, c'était le sujet du podcast. C'est comme... Pour une fois, on le respectait. Comme si le groupe Discord était là pour parler de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on parle le plus? Le fucking cube de bouffe. C'était quoi là, le débat cette semaine là? C'est juste que les chats aiment ça être des quiches. Parce que chats aiment ça être des quiches. Si tu mets un chat dans un truc à cinq côtés, il est juste heureux puis il va rester là, genre. Surtout Marou. Surtout puis quoi? Marou. Je sais pas s'il est encore en vie, Marou, mais il avait fait des exercices où est-ce qu'il mettait toutes sortes de grandeurs de boîtes comme une. Très haute et très mince, puis il avait embarqué dedans pareil. Une vraiment aplatie et pas haute, puis il avait embarqué dedans. Puis après ça, une vraiment miniature, que comme, il a installé les bouts de ses pattes, puis c'est comme effoiré par-dessus quand même pour être dans la boîte. Je me rappelle de ça. Des forts moments de l'Internet. Ça fait longtemps, hein. C'est vrai que là, les vieux chats du vieux Internet, les vieux chats populaires, comme, sont rendus à l'âge que c'est fini. Ben, on a perdu le Grumpy Cat. Moi, Grumpy Cat est un bon exemple. Colonel Miaou. Ben, il y a un nouveau Colonel Miaou, là. Je suis sur un groupe Facebook où il y a quelqu'un qui a une petite chatte qui est pareille comme Colonel Miaou. Ça fait... je sais pas si vous vous rappelez ce chat-là. Il était extrêmement hirsute, puis il avait de l'air tout le temps en tabarnak. En tout cas, c'était un beau chat. Oh my god, Long Cat est mort aussi. Oh, mais Long Cat, c'est tellement comme le premier, là. C'est le OG, c'est sûr qu'il doit être là. Ah, Long Cat is long. Ben oui. Marou a juste 13 ans, il est encore là. Ah bon, Long Live Long Cat. C'est lui qui a le record Guinness du plus de vidéos YouTube pour un seul animal individuel. Oh wow. Marou, c'est genre la vedette présentement. Tout le monde a déjà vu Marou, là. C'est ça, tu m'as dit le nom, puis je suis comme, ouais, c'est sûr, là. Puis je me rappelle de quand il met ses pattes dans la mini-mini-boîte, puis qu'il est comme, I can fit. Selon Wikipédia, c'est un Scottish Straight. Ouh. Fait que là, évidemment, on parlait du cube de bouffe et donc, évidemment, on s'est mis à parler du chat. Moi, j'ai bien aimé, c'est quand on parlait de faire un pain, de faire cuire du pain, de faire blanchir du pain, de le faire bouillir, de faire de la soupe. Puis là, quand j'ai suggéré un rôti de pain. Ouais, c'est l'idée, c'était comment t'appelles ça une toast, tu sais, parce que c'est du pain recuit, c'est du pain doublement cuit, là. Ouais. Un rôti de pain, c'était dérangeant. Rôti de C'était comme dérangeant comme idée, genre. Le pire, c'est que j'ai commencé quelque chose de pire, genre je grille mes toasts, puis après ça, j'ai fini à poêle, fait qu'ils sont cuits 3 fois. Shit, du triple. C'est comme refried beans, mais là, c'est triple fried bread. Ouais. Puis c'est Fait que donc. vraiment bon. Fait que donc, on avait un sujet de jeu vidéo. Le pire, c'est que. Maintenant qu'on a épuisé tous les autres sujets possibles, on va Ouais, pouvoir parler de Graveyard Keeper. si vous aviez pas renchéri, si t'avais pas renchéri sur le pain, là, j'aurais dit, genre, vous savez quel jeu qui n'a pas de chat? Graveyard Keeper. Genre, j'étais prête, mais. Il n'y a pas de chat. Ah. Non, il n'y a pas de chat, j'ai pas vu de Y chat a-t-il du encore. pain? On aurait pu parler Oui. de I Am Bread. Ah, j'ai toujours pas joué à Iron Bread, mais ça a l'air que c'est comme un peu genre subversif, second niveau, pis tout. Fait que genre j'aimerais vraiment essayer de jouer, là, pis que c'est un jeu qui dure comme une coupe d'heure, là. Ouais, paraît qu'il faut que tu rendes le gars fou parce que tous les matins il se réveille avec une toast puis il se demande pourquoi qu'il a tout le temps des toasts beurrés. Quoi, sa toast est pré-beurrée? Mais oui, mais c'est toi tu contrôles le pain puis tu beurres pour te servir à ce gars-là à tous les matins puis lui il vient fou parce qu'il comprend pas pourquoi qu'il y a des toasts de prêtre quand il vit tout seul. Oh my god! Quelle prémisse de fou! Faut que je joue à C'est ça. quand même pas pire. C'est quand même fourrette! Puis j'imagine que c'est un peu genre Stanley's Parable. Genre que ça te fait comme Pas de surpris. réfléchir un peu, puis que c'est subversif. Je m'excuse Oh pas my god! spoiler parce que je vais jouer un jour là, mais je serais Oh! pas surpris que ce soit un peu comme ça. Come on, Jimmy Bird! C'était Octodad aussi qui est le même genre de gameplay, mais qui est aussi le même genre de joke parce que Octodad, personne se doute que c'est une pieuvre. Il a l'air d'un papa, tout ce qu'il y a de plus C'est ordinaire. juste un papa. Les seuls que tu peux pas tromper, c'est quand tu vas à l'aquarium, là, il y a des biologistes marins. Eux autres, ils ont l'œil. Ah ouais, pour vrai. Puis ils sont comme, C'est bien ce tata. père est un peu suspect. Il ressemble beaucoup à une pieuvre, mais c'est quand même un père. Mais ça prend vraiment des biologistes marins pour t'identifier. Non, il y a juste. Sinon, personne ne le sait. Je pense que les biologistes non plus, ils savent pas. Ils C'est passent pour tes proches, idées. mais C'est ça. non. Mais C'est louche, mais il y a il un y a juste complet le pis des cook. enfants. Fac. C'est ça. Ah non, C'est j'ai le pas cook, I c'est am le bread. cuisinier qui court après, qui lui, il est comme genre, je veux faire des sushis avec cette pieuvre. Ah oui, Puis c'est tout le monde est vrai. comme, pourquoi vous voulez faire des sushis avec mon mari? Wow. Wow. J'avais bien aimé, il y avait une photo d'un, il y avait un cosplay de Octodad. Puis une personne avait pris, s'était pris en photo en selfie avec. Puis il disait genre, hey, voici une photo de moi avec this totally normal Ce gentil papa. guy. C'est comme, ah, je suis dans une convention, puis là j'ai vu un gars vraiment ordinaire et là j'ai pris une photo avec. C'est bien drôle. Bon, je vais vérifier, je n'ai pas I Am Bread dans ma très très grande collection de jeux, fait que Il va je peut-être être gratuit wishlist. sur Epic Store à un moment donné. Ah, peut-être. Je ne pense Fait à ce sujet que qu'à ça. Graveyard Keeper. Graveyard Keeper, c'est un jeu que Camille nous avait amené en 2019 parce qu'elle cherchait un remplacement dans son cœur pour Stardew Valley parce qu'elle avait passé bien trop d'heures dans Stardew Valley puis elle cherchait quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'est sûr que si tu cherches un remplacement à Stardew Valley, c'est des gros souliers à remplir. Puis c'est effectivement pas Stardew Valley. Tu sais, dans le fond, c'est ça. Je suis retournée écouter sa critique était pas comme entièrement négative là, mais c'est plus que tu sais, c'est pas. It ain't no Stardew Valley. Mais dans le fond, ce qui m'a le plus convaincu de jouer, c'est un ami du podcast qui vient souvent nous jaser, qui s'appelle Dark Etherion, qui est un grand fan de Graveyard Keeper, puis qui me l'a streamé l'autre jour sur Discord pour me montrer où est-ce qu'il était rendu. Puis un des aspects que je trouvais vraiment intéressant dans sa critique, Camille nous disait le jeu. Ben, elle disait beaucoup que c'est un jeu qui demande de faire des commissions, puis tu te promènes tout le temps à gauche, à droite pour faire des commissions. C'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça, parce que je suis quelqu'un qui est quand même un peu confortable dans le loop de genre, OK, on va par là, on va faire ça, on va par là, on va faire ça, OK, voici la liste de trucs que j'ai à faire. Puis il y a plein de PNJ qui te demandent des commissions en même temps, fait que tu peux comme prioriser puis choisir dans quel ordre tu vas, puis tout. T'as quand même un libre arbitre sur l'ordre dans lequel tu fais des trucs, puis qu'est-ce que tu priorises, puis etc. Mais quelque chose qui... Oui, OK, je dirais qu'il y a des spoilers. Ah, mais ça va peut-être être un spoiler. Ouais, fait que je le dirai pas. Il y avait quelque chose que Au Camille... moment où j'écris Ouais. que d'habitude on fait pas de spoiler, Anne-Marie est comme genre, oh, mais là, ça va peut-être être un spoiler ce que je m'apprête à dire. Non, Bon, ouais. Je vais pas le dire, là. Non, mais je le dirai pas. C'est que Camille disait qu'elle trouvait ça difficile parce qu'on sait jamais ça va être quoi la récompense au final quand on avance dans certains arbres de compétences ou quand on avance les quêtes de certains PNJ, on sait comme jamais où est-ce qu'on s'en va. Puis je pense que quelque chose qui m'a aidé à être hype pour le jeu, c'est quand mon ami m'a streamé sa game. Puis ce qui arrive, c'est que Dark Etherion, il a fini le jeu là, de long en large, il a fini. Fait que j'ai pu voir un peu c'est quoi ça donne quand t'es rendu loin dans le jeu. Puis que t'as. Tu sais que t'as unlocké toutes les recettes, puis que t'as toutes les stations de crafting, puis que t'as toutes les items, que t'as toutes les matières premières, puis tu peux fabriquer tous les produits finis. Puis, fait que j'ai pu voir un peu de quoi tout ça a l'air, puis ça m'a vraiment encouragé, en fait, de voir le produit final. Ça m'a vraiment donné envie de me rendre là. Ce qui est peut-être quelque chose qui arrive un peu, tu sais, Stardew Valley, mettons, je suis souvent sur le Reddit, puis souvent les gens partagent des photos de leur ferme après comme 3 ans à l'intérieur du jeu, fait que souvent les gens sont comme « Oh shit! » Tu sais, il y a voyons, la serre, ouais, c'est une serre. La serre est réparée, tout est terraformé, tu sais, quand tu commences dans Stardew Valley, il y a comme de la forêt tout croche partout, mais là, les gens ont tout nettoyé, ils ont mis des allées, ils ont mis des clôtures. D'un côté, il y a les vaches, d'un côté, il y a les cochons, puis là, t'as tous tes champs, puis tout est beau, puis tout est organisé, tu sais, fait que c'est encourageant de voir que les gens se rendent là, puis tu te dis, OK, moi, je veux partir d'une ferme tout croche, pas défrichée, avec des arbres, puis des herbes folles partout, puis je veux me rendre là. Fait que j'ai un peu vu ça, puis il m'a un peu spoilé aussi sur l'histoire, puis l'espèce de second niveau peut-être qui est un peu dans l'histoire. Fait que j'ai hâte de découvrir ça aussi parce que... c'est ça, Camille, ce qu'elle disait, c'est « Ah, c'est weird, t'es un homme d'affaires, tu te fais frapper par un char, puis un jour tu te réveilles, puis t'es le graveyard keeper dans un village médiéval louche. » Puis c'est ça, tu sais. Mais il y a comme... Il a l'air d'avoir comme... À un moment donné, tu vas avoir une espèce de genre d'explication cosmologique de genre qu'est-ce qui s'est passé, je suis pas sûre. Mais il a l'air d'avoir un peu plus de cosmologie qu'on s'imagine dans le jeu, fait que j'ai bien hâte de me rendre là. À date, ben oui, effectivement, là, c'est un espèce de village médiéval un peu louche, avec pas beaucoup d'argent, puis avec un inquisiteur qui brûle les sorcières parce que ça lui fait plaisir. Faut que tu choisisses d'être son bar ou pas, mais c'est des cartes, fait que dans un sens, faut comme que t'effaces, là, mais... Puis y a un marchand ratoureux qui veut tout le temps que tu payes bien cher pour des affaires, puis tout. Puis tout est très bizarre parce que c'est toi le gardien du cimetière, donc tu reçois les corps morts de tout le monde, puis tu dois les inhumer. Mais tu peux les dépecer. Ça fait partie de ton travail. Tu dois préparer les corps à l'inhumation. Donc, il y a différentes affaires. Puis c'est ça, c'est effectivement, le jeu te dit pas comme. C'est un jeu qui bénéficie de regarder le wiki un peu, ou de, comme moi, avoir un ami de l'autre côté sur Discord qui va te dire genre, ouais, si tu fais ça va mieux aller. Tu sais, c'est un peu un farming game qui essaye de pas t'expliquer. Tu sais, qu'il y a pas un wiki à l'intérieur du farming game ou quelque chose du genre, là. Fait il essaye, tu sais, le but du jeu, c'est un peu que tu tâtonnes, puis que tu découvres comment ça marche. Mais si justement l'idée de faire ça, tu trouves que c'est vraiment pas optimal, puis que c'est vraiment juste tannant de tâtonner puis d'être perdu, ben, écoute, tu peux aller voir le wiki, là. Comme. C'est ton choix, c'est ta façon d'apprécier le jeu. Tu peux bien faire ce que tu veux, fait qu'on va voir le wiki. C'est comme les droits du lecteur, là. T'as le droit d'aller Ouais! lire la fin si tu veux, là. Exactement, ouais. Mais c'est ça, par rapport aux critiques de Camille, j'ai l'impression que personnellement, ça l'aide mon appréciation du jeu. De savoir c'est quoi le endgame, un peu, pour tout le crafting. Dans le fond, c'est ça, sans aller avec le spoiler, il y a comme une façon d'automatiser un petit peu tes tâches. Ce qui fait que toutes les tâches qui sont très plates, très redondantes, très va marcher là-bas, ramasse ça, reviens, fais. Genre, va ramasser du minerai, fais un lingot, avec le lingot, fabrique un outil, etc. Tout ça, tu peux l'automatiser à un certain moment. Fait que ça devient pas mal moins fastidieux. En fait, le côté, au début, c'est fastidieux. Puis éventuellement, ben, tu vas pouvoir faire des trucs qui vont faire que ce côté fastidieux va disparaître un peu. Fait que, évidemment, j'ai hâte d'être rendu là, je suis pas encore rendu là. Fait que c'est encore fastidieux, mais c'est un fastidieux que j'aime bien. Fait que ça, encore là, tu sais, c'est ça, l'appréciation du fastidieux dans un jeu, je pense que c'est très, très varié d'une personne à l'autre. Tu sais, il y a des gens qui sont. Mettons, farmer, j'aime ça. En général, là, comme farmer dans des jeux de combat, là, mettons. En ce moment, là, Final Fantasy 3, là, je suis comme pogné à une place que, genre, faut que je farm pour pouvoir faire le prochain boss, pis ça me tente pas. Parce que c'est Final Fantasy 3, là, fait que c'est juste, genre, cours dans toutes les directions jusqu'à ce que t'aies un random encounter. Puis là, ben, fais tes skills, que tu fais tout le temps les mêmes par combat pour tuer les bébêtes le plus vite possible, pour avoir de l'XP, puis tu continues à courir dans toutes les directions jusqu'à ce que t'aies un random encounter, puis tu fais ça pendant 3 heures, puis là, tu vas peut-être avoir les niveaux d'aller battre le boss. C'est comme, ça m'achale, mais dans un farming simulator, comme, en tout cas, comme dans Graveyard Keeper, ça m'achale moins, parce qu'il y a plein de, il y a comme trop de, je pense que c'est parce que c'est moins répétitif, tu sais, je peux aller farmer un petit peu, aller ramasser du minerai, mais j'en ai pour, genre, 5-10 minutes. Puis après ça, j'en ai plein. Puis après ça, je vais me dire, ah, mais ça me prendrait comme du bois pour fabriquer des outils en bois. Fait que là, après ça, je vais aller ramasser du bois, faire des outils en bois. Puis là, ben, ça va m'avoir donné plein d'XP pour leveler des nouvelles techniques. Puis il y a des arbres de technologie, quelque chose comme 7 arbres de technologie. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de stock en termes de genre, de features, de crafting, d'objets que tu peux faire, de choses que tu peux manager. Il y a vraiment beaucoup de stock. Puis tu peux décider, genre, OK, moi, ça me tente de monter ça. Ou tu peux juste tout faire en même temps. Ben, c'est ça, ce que je trouve le fun. Fait que c'est pour ça que je me rends pas compte, peut-être, que je fais des choses fastidieuses, parce que je varie les choses que je fais. Puis il y a 6 jours. Il y a comme des semaines de 6 jours. Chaque jour est assigné à un symbole. Chaque symbole est assigné à un PNJ qui est disponible juste cette journée-là. Fait qu'il y a comme une rotation de 6 jours. Puis le 6e jour, ou le premier jour, en fait, c'est le jour du Seigneur, puis ben, parce que c'est toi qui s'occupe du cimetière, c'est aussi toi qui s'occupe de l'église. Puis l'évêque Bah est. oui, Ben oui, parce que ça fait vraiment du logique. sens, tu sais. Fait que l'évêque est juste comme, ah, oh, fais des messes. Les gens vont venir, puis ils vont te donner du cash. Fait que, vas-y, fais des messes. Puis, au début, ton bonhomme, tu sais, là, t'es un homme d'affaires dans le monde moderne qui s'est fait frapper par un char, là. Fait qu'au début, ton bonhomme, il est juste comme, bonjour. Ben, elle est belle notre église, hein? Puis là, toutes les ouailles dans les bancs dans l'église sont comme, ah, oh ouais, ah, oh ouais, elle est belle notre église, hein? Ah, oh ouais, puis là, ils te laissent 3 cents, puis ils s'en vont. Mais comme plus ça va, plus tu peux développer tes sermons, en fait, puis avoir des bonus avec tes sermons, puis avoir plus d'argent. Puis t'as plus d'argent quand tu décores ton église. Fait que là, avec le crafting, tu peux fabriquer plein de choses pour mettre. Il y a comme plein d'aspects sur lesquels tu peux travailler en même temps, parce que le cimetière aussi, c'est important de le travailler. Tout ça, c'est un aspect complètement différent qu'il n'y a pas dans aucun autre farming sim. Parce que ton cimetière, c'est un peu comme ton jardin. Il faut qu'il ait une qualité, ton cimetière. Mais si tu enterres des gens qui ont beaucoup de péchés, ben ton cimetière sera pas de très bonne qualité. Mais des fois, le péché peut se cacher dans différentes parties de leur corps. Fait que, mettons, quand tu procèdes à l'autopsie, si tu l'enlèves, celle-là, il va peut-être rester juste un bon corps plein de vertus. Fait que là, tu vas enterrer un corps plein. Ouais, ça fait zéro sens. Attends, Mais c'est pas attends, attends. grave. Quand tu l'enlèves, t'enlèves quoi? T'enlèves, ah, le péché dans son pied, fait qu'on y enlève le pied pour en taire le reste? Ouais, si tu veux. Ok. Ok, ouais, c'est ça. Puis apparemment, ah non, mais là, c'est aussi c'est un spoiler. C'est-tu vraiment un J'aime spoiler? comment ça prend quelque chose d'ésotérique, seulement comme froid et machinal. Un peu, puis Comme, c'est ben oui, tellement weird. on a découvert que le péché, c'est réel, c'est comme une substance physique, là, puis au microscope, tu peux la trouver, puis après ça, faire l'ablation du péché, là. Ben c'est ça, chaque Chaque cadavre que tu personne là a une reçois, place différente. chaque cadavre que tu reçois va avoir des petits, dans le fond, il va avoir comme un rating. Genre, il va avoir des petits crânes blancs puis des petits crânes rouges. Ouais. Fait que là, faut que tu fasses l'ablation de Rating de différentes affaires. corps. Oui. Il faut que tu fasses. En plus de son rating de fraîcheur, n'oublions pas le rating de fraîcheur, tu peux pas le laisser glander Wow. dans ta cave pendant trop longtemps. Mais il y a un rating de péché versus vertu. C'est ça, fait que faut que tu enlèves les bons morceaux jusqu'à ce que, mettons, tu puisses le maximiser. Parce que quand t'entends des gens avec du péché, ça baisse un peu la renommée. Ouais, ça serait comme la renommée, genre le degré de classe de ton cimetière. Qui, ça, est en fonction des cadavres que t'enterres, mais aussi en fonction des décorations que tu mets dans ton cimetière, puis des belles pierres tombales de qualité, puis des belles tombes, puis des arrangements floraux que tu mets dans ton cimetière, etc. Fait que t'es toujours en train de manager les corps que tu reçois, puis là, te dire, OK, celle-là. Ce corps-là, il y a trois vertus, mais il y a aussi trois péchés. Fait que genre, il va falloir que je taponne, puis il y a des chances d'erreur. Quand tu essaies de faire l'ablation du péché, il y a des chances de se fourrer. Fait que là, ça se peut que t'essayes, puis que là, finalement, ça marche pas, que là, ah, au crématorium. Parce que tu veux pas ruiner ton beau cimetière. On brûle tout. Fait que, ouais, fait que c'est la grosse mécanique qui te présente au début. Même avant même de commencer à faire des outils, puis de commencer à faire pousser des choux, puis de commencer à faire quoi que ce soit d'autre, là, t'es le gardien du cimetière, c'est ton travail. Puis, ben, tu peux faire l'ablation de la chair de tes corps, ce qui malheureusement leur enlève aussi des points de vertu, fait que c'est pas tant une bonne idée. Mais l'aubergiste, il leur prend pour quand même pas mal d'argent. Pour faire des steaks! Fait que. Il y a Comme comme. Sweeney Todd. Ouais, un peu. Fait que, tu sais, il y a comme plein de. Il y a plein. Comme plein d'humour vraiment noir dans le jeu, là. Mais que c'est comme quand même drôle. Mais c'est très. C'est un univers très, très capitaliste. Genre. Parce que c'est ça, ta viande, faut qu'elle ait le sceau royal dessus. Puis si elle a le sceau royal dessus, tout le monde va l'acheter pour plein de cash. Parce que. Genre, s'il y a le sceau royal sur ta viande, ça veut dire que c'est une viande de qualité, tu sais. Puis personne va se demander où est-ce que t'es allé la chercher, t'as même pas de vache chez vous. Fait qu'il y a comme des petites affaires, il y a des affaires comme ça qui sont genre. C'est très, très, très, très cynique. Puis c'est ça, c'est pas Stardew Valley au sens que c'est pas vraiment wholesome, là, c'est très noir puis cynique, puis tu peux pas dater personne. T'es juste. En fait, t'as une femme dans la vraie vie que t'aimerais ça retourner la voir, mais là, t'es pognée dans un univers médiéval à être un gardien de cimetière. Et t'as toujours comme en arrière la quête de genre, j'aimerais ça revenir dans mon propre monde. Fait que je présume que c'est ça comme la fin. Parce que dès le début, t'es comme, oui, mais peux-tu partir d'ici, moi? Fait qu'on à date, c'est juste comme. T'sais, je sais pas à quel point le loop va m'accrocher vraiment longtemps, là, mais je trouve ça le fun. Pis c'est beau. Le pixel art est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Oui, ben, Dranzior, je pense que c'est un peu ça le endgame. Comme au début, c'est ce que à chaque fois que t'inhumes un corps, tu reçois un peu d'argent. Fait qu'au début, t'as comme pas le choix d'enterrer à peu près tout ce que tu trouves pour commencer à te faire une petite base d'argent pour commencer à fonctionner. Mais j'ai l'impression que le endgame, c'est que plus ça va, puis plus, genre, tu déterres les vieux corps mauvais que t'as dû mettre parce que t'avais pas assez d'argent, tu les sacs dans le feu, puis tu mets juste des corps parfaits. Tu les déterres. Oui, ça prend un permis pour ça. Parce qu'évidemment, comme tout est géré par genre la royauté, puis ça prend des permis pour fucking tout. Mais c'est ça. On dirait que ça a comme une espèce de message de genre justement comme si tu payes de l'argent pour le permis, t'as le droit de faire ce que tu veux avec le cadavre parce que t'es en loi parce que t'as payé ton permis. Genre, j'ai l'impression que ça essaie d'avoir comme un message un peu comme ça. T'as pas le droit, sauf si t'es riche. OK. Oui, puis il y a différents niveaux de citoyens qui te permettent justement d'avoir des permis pour faire différentes affaires. Puis à chaque fois, il faut que tu payes pour augmenter ton niveau de citoyen, là. Fait que, ouais, il y a comme une espèce de grosse. Camille en a parlé aussi dans sa review en 2019. Il y a comme un gros message capitaliste, mais d'un côté, comme tu es le capitalisme. Genre, c'est ça. Il y a comme un message capitaliste, mais tu vas pas à l'encontre de ça. C'est un farming simulator, là. Fait que tout ce que tu fais, c'est accumuler plus, plus, plus, puis construire plus, plus, plus, puis faire plus, plus, puis avoir plus de cash. T'sais. Fait que, comme, tu vas jamais à l'encontre de ce concept-là. Ce qu'il y a de cool, puis qui est le vrai échappatoire de la réalité dans ces jeux-là, c'est que même si tu es dans le capitalisme, tu es dans le rêve capitaliste qui marche, parce que dans la vraie vie, c'est pas vrai qu'il marche. Dans le Exactement. jeu, c'est vrai que tu peux partir de rien, faire des efforts, puis devenir millionnaire. Même C'est si, genre, puis il y a plusieurs affaires à faire, tu sais, fait que tu peux devenir millionnaire de plein de façons différentes. Juste, si tu décides de bûcher, genre, je sais pas moi si tu veux continuer à faire pousser des choux, si tu décides de bûcher assez longtemps, ça va finir par faire fortune avec tes choux, ça va juste être plus long. Puis avec la vie, ça marche pas de même. Oh, que la vie, ça il marche pas comme ça. paraîtrait que non. Ça prend aussi énormément de chance. Puis même là, c'est mieux quand t'as un petit filet quand même. Ouais. Mais je me demande en fait, comme Stardew Valley, pourquoi qu'on dit que c'est le capitalisme exactement? Ben, c'est fait pousser plus de légumes, fait plus d'argent, fait pousser pour Ou faire pousser Animal d'autres légumes. Crossing. Ah, ok, parce que c'est faire pousser plus pour faire plus d'argent pour pouvoir en faire pousser plus. Ouais, pour faire plus d'argent, pour Ouais, pouvoir en ok. faire pousser plus. Pour Parce avoir que la t'es quand grosse même. maison. Parce que c'est quand même. Tu construis tes affaires toutes à la main, t'es très autosuffisant. Dans Tu vas pas Stardew au Valley, magasin. tes upgrades de maison puis de bâtiment, tu les fais pas à la main, là. Faut que t'engages la charpentière, puis plus ça va, puis plus elle te demande cher pour faire des upgrades, là, parce que c'est ça le point de vue du jeu, fait que c'est comme exponentiel, tu sais. La première upgrade, elle te coupe tant, la deuxième upgrade, la troisième upgrade, là, tu sais. Mais C'est vrai que quand c'est pas même, une métaphore parfaite. Je pense que je vois où tu veux en venir. C'est vrai que dans le c'est sens que pas. tu peux survivre, dans le capitalisme, le problème, c'est que tu peux pas survivre si t'es pas dans le capitalisme. Alors que dans Stardew Valley, si tu veux juste survivre, ben, tu fais pousser des carottes, tu manges des carottes, pis that's it. Mais faut que t'achètes les graines des carottes à chaque saison parce que dans Stardew Valley, quand t'as fini de faire pousser tes carottes, ils te donnent pas plus de graines. Ce qui est Ah, pas ouais. exactement Bon, tu réaliste, là. vois. En théorie, tu devrais pouvoir prendre tes fleurs de carottes puis ben, les faire monter en graines puis ramasser des graines, là. Mais non, à chaque saison, faut que t'ailles. T'as pas le choix de vendre une partie de ta récolte pour payer les graines de la prochaine saison. Ouais, bon, parce que la mécanique aurait été un peu trop compliquée, mais le principe était quand Je suis même pas là. sûre T'es qu'elle pas en aurait été. train de. T'aurais pu looter des graines en même temps que tu lootes tes légumes, là. Ça aurait-tu vraiment I été plus guess. compliqué? Ça fait ça dans Minecraft, là. Je veux dire, c'est Ouais. exponentiel faire pousser du blé dans Minecraft. Oh, good. Ça le fait dans Graveyard Keeper aussi, mais à date, j'ai l'impression que ça donne moins de graines que ce que j'avais planté. Fait que j'ai l'impression qu'il va falloir que j'en rachète. Mais c'est peut-être un skill. Il y a peut-être un skill plus. Il y a tellement de skills, là. Fait qu'il y a peut-être un skill plus tard qui fait que je vais avoir assez de graines pour être autosuffisante, là. Mais c'est Mais, vrai que ouais. c'est pas du vrai capitalisme total dans les jeux de farming comme Animal Crossing puis Stardew Valley. Puis en plus, il y a un genre de message anticapitaliste dans ces affaires-là. Comme les Harvest Oui. Moon aussi, là, c'est tout le temps l'histoire de la personne qui veut s'échapper de la ville puis starter à neuf avec le chalet de sa grand-mère. Je sais pas si c'est une histoire anticapitaliste ou plutôt une histoire juste de retour à la Terre, là. Mais. Parce que c'est ça, Ouais, ben ouais, ok, faut c'est tout un le temps peu que tu plus ça, fasses du mais cash. il y a quand même, genre, je pense dans Stardew Valley, entre autres, tu travaillais dans whatever, comme le Walmart de cet univers-là, puis là, tu décides de plus faire ça, puis dans la petite ville, il y en a un magasin de ça, puis ça fait partie de l'histoire, comme que sont méchants, puis Je suis pas t'essaies de pas capable. faire affaire avec eux autres. Je suis pas capable Mais de t'as faire des un gens du playthrough. village qui travaillent là. Ouais, je suis pas capable de faire un playthrough de ce bord-là. On dirait que c'est genre. J'ai un blocage mental quand je fais juste des playthroughs du côté communautaire, puis jamais du côté du gros supermarket. Je suis pas capable. Y a-tu du. Attends, je veux dire, on va pousser la question un peu plus, là. Comme, est-ce que dans l'univers de Stardew Valley, il y a la bourse, puis les méga corporations, puis tout ça? Fait que c'est pas du néo-capitalisme, mettons. Ben, il y a des méga corporations, là, le Jojo Mart, I guess que c'est une méga corpo, là, mais malgré que la bourse, c'est un peu funny parce que dans Animal Crossing New Horizons, c'était la bourse. Ah oui. Ouais, le taux d'échange de différentes ressources change à chaque jour, puis c'est un peu pour... Ça change à chaque jour, puis ça change pour chaque game de chaque personne. Fait que c'est pas uniforme, fait que c'est pour encourager que les gens se visitent les uns les autres pour vendre leurs produits au marché de ton ami, parce que lui, il a des bons prix aujourd'hui, mettons. Fait que... Ouais, Il y avait fait ça en dans fait... Rocket Ear aussi. Je me souviens d'avoir Ah acheté oui! comme des tonnes de taiyaki à vraiment pas cher, puis après ça, C'est attendre fun. des mois qu'ils viennent le triple du prix avant de les mettre dans mon magasin. Tu sais, on s'entend, c'est des aliments, c'est comme les aliments que tu trouves dans les donjons, dans les jeux, là, genre, ah, un donjon pas visité depuis 200 ans, tiens, un poulet rôti. J'avais mes taiyaki vieux de 3 mois, tout sec, c'est rendu le triple du prix, je vends ça. Ben, honnêtement, là, pour visiter des épiceries, des fois, là, que t'arrives, tu sais, comme, quoi, c'est ça les pommes que vous vendez? Fais-tu Ouais. ton épicerie dans Baldur's C'est des vieilles Gate? pommes, Oh non, mais c'est triste, mais je suis allée au Maxi de Verdun hier, puis... Mais Maxi, c'est tout le temps un peu hit and miss sur les légumes, là, fait que... c'est sûr que c'est la fin de l'hiver aussi, là. C'est comme, Ouais, on oublie que c'est pas réaliste d'avoir des pommes tout le temps, hein, d'un certain point de vue. ben, ça dépend. Au marché Jean Talon, les pommes sont belles tout le temps. ils les prennent où? Ça, je me le demande. Je veux dire, il y a probablement une bonne explication que je On connais pas, achète. mais... Je pense qu'ils les conservent bien. Les pommes, c'est pas un très bon exemple. Ouais, ça se garde bien les pommes, là. Ouais. C'est aussi les C'est catégories. vrai. Est-ce que c'est des pommes catégorie 1 ou 2 ou 3? Mais ils sont tout le temps belles. Après ça, c'est vrai qu'avec mon frère, on achète juste des affaires de saison. Fait que ça veut dire qu'il y a plein d'affaires qu'on n'achète pas. Je sais que Comme. des laitues, c'est weird, mais si tu les abris comme il faut, ils peuvent rester plantés jusqu'à la fin novembre, puis ils vont être encore belles. Si t'es garde dans. Il y a beaucoup d'affaires que si t'es garde avec un petit peu d'eau, là, ça t'offre comme tellement longtemps. Comme Mais mettons du juste. céleri, là. Ça devient tout mou, tout dégueu Ouais. vraiment vite. Mais Faut si que tu tu mets un mettes de petit l'eau. peu d'eau dans le fond, tu le mets dans un sac à pain avec un petit peu d'eau, ça t'offre comme des mois. Ah, mais un Puis céleri, c'est tu le fucking manges, puis il est 4 piastres. crunchy. C'est bien. Un céleri, c'est Et bien c'était trop encore un fucking certain cher. bouffe. Hein? Pourquoi les céleris sont genre 4 piastres à cette heure? Je sais pas. C'est bien trop cher! Parce que. Puis je veux dire, c'est crissement pas le meilleur légume, là! C'est un Quand peu même. comme le minage de Bitcoin avec les cartes graphiques, là. C'est que probablement, les gens se font énormément de bloody scissors. Ah, Fait que là, ils ont peut-être. besoin de plein de céleri, là. C'est C'est à juste cause de la ça. pandémie? Ouais, les gens se Non, font il des était bloody déjà scissors cher parce avant. qu'ils s'ennuient de sortir au bar. Fait que là, Il était en déjà plus, cher avant le céleri. au bar, ils te mettent genre un demi-bout de céleri, là, mais chez vous, tu peux mettre le pied au complet. Fait que les gens, ils abusent. Fait que là, il n'y a plus de céleri. Sais C'est pas. rendu 4 piastres. Mais ta sauce carotte, c'est quand même une explication intéressante sur Stardew Valley, là. C'est ça. Ça aurait été plus communiste si tout le monde du village serait venu t'aider sur ta ferme, puis tu aurais pu leur donner une partie de tes produits, mais qui t'aurait fourni les graines, comme... Puis c'est aussi bizarre que, c'est ça, il y a un marché invisible qui vend tout le temps les choses au même taux, puis qui a infini argent. Fait qu'à la fin de la game de Stardew Valley, t'es 1000 fois plus riche que absolument tout le monde dans tout ce village-là, puis ils sont quand même capables de t'acheter tes produits parce que ça vient d'un marché invisible à l'argent infini. Tu sais, y a pas de plafond de genre, OK, mais là, on peut pas acheter 3000 betteraves cet automne, là. On peut pas. Il faudrait que tu payes plus de taxes dans Stardew Valley pour aider, pour que ça retourne au village. Comme le village t'aide en Faudrait que achetant ça des retourne au shit. village. Parce que dans Animal Crossing, tu payes des taxes constamment, puis tu payes des affaires constamment, puis c'est juste un raton laveur qui s'enrichit sur ton dos. Ben, j'avais déjà vu une analyse de Animal Crossing qui disait genre, oui, on dit que Tom Nook, c'est un gros capitaliste qui prend de l'argent puis qui fait de l'argent puis qui est ouais, mais Tom Nook fait beaucoup pour le village, comme il Il a travaillé ses enfants aussi. ouais, c'est aussi ça, c'est un peu trash. Il y a plein d'affaires vraiment trash, mais comme mettons que tu cherches un peu là puis que tu te poses la question, ouais, Dranzior, il dit il te construit ta maison avant que tu payes. Ouais. Puis, fait que donc, il te donne une maison, puis c'est comme, rembourse-moi quand tu veux. Comme essayer d'aller voir une banque aujourd'hui, puis dire genre, regardez, là, moi, je vous propose un deal, là, comme, vous payez ma maison, puis je vous rembourse peut-être à un moment donné, comme, à un moment donné, puis quand j'aurai fini, ben là, vous allez payer pour les rénovations pour que je l'agrandisse. Ça, Puis c'est là, je dans vois la encore une fois, vidéo. je vais vous rembourser peut-être. Ça, c'est dans la vidéo que Camille avait partagée sur les farming games qui était de GC Positive, je pense, qui était vraiment intéressant. Ça C'était commence peut-être dans bien. celui-là, effectivement. Oui, GC Positive. Ouais, non, il disait comme qu'est-ce que ça prend pour avoir un farming game? Ça va toujours commencer à soit un héritage, soit un prêt inconditionnel de genre une maison de ferme. Comme t'as pas le choix là. Faut que tu te fasses donner quelque chose qui était pas à toi pour ce start. Encore là, c'est ça, c'est vrai que c'est pas. C'est une métaphore du capitalisme qui est bien trop. Parce que non seulement tu vas réussir à faire de l'argent juste en travaillant fort, mais en plus tu commences avec une maison, tu sais. Ouais. Puis c'est pareil dans Oublettes. Dans Oublettes, ils sont juste comme. Y a personne qui habite là, vas-y. J'aime à quel point c'est décrépit, ben raide Ouais, dans ça c'est drôle. Oublettes, par exemple. Ça c'est vraiment drôle. Le chat, il est dégueu quand tu commences. C'est vrai, dans Graveyard Keeper, il est même pas dégueu ton shack. Genre, il est vraiment bien en fait. C'est vrai. Dans Oublettes, tu dors sur un lit de Oui, pendant vraiment longtemps. camp. Ouais. Pendant Ah ouais, Forever, si tu veux. parce que tout est super cher dans Oublettes. Ouais, aussi. J'ai ouais moi j'ai moi j'étais comme non non j'ai investi seulement dans mes ressources fait que là j'ai acheté fait que j'ai passé tout le jeu à avoir pas de décoration puis là à un moment donné j'étais comme c'est une fois que tu découvres c'est quoi les bonnes graines qui donnent beaucoup de cash c'est comme ok maintenant on est en business on achète des graines pour acheter plus de graines de celles-là on fait ça une couple de fois puis là à un moment donné comme ok là il y a de l'argent. Et là, on peut se payer des décorations, mais comme arriver à ce Puis du point-là, c'est un peu linge. tough. Ouais. Effectivement. Ça C'est ce fait la qui. beauté du Farming Simulator. I Ben, guess. ça montre à quel point balancer un jeu, c'est pas facile. Puis Non. comme Oublette, ben là, il est en early access, il est un peu débalancé au niveau économique. Puis c'est genre, OK, mais comment tu veux pour. Comment tu price? Comment tu. Choisir les prix des affaires selon pour que ça soit le fun, pour que tu puisses quand même t'en acheter. Genre, tu veux pas dire genre, ah, ben là, tout coûte tellement cher que là, tu veux juste upgrader tes graines. Que tu touches pas à toutes les cosmétiques avant d'être rendu Fait que à la tu fais fin du jeu. rien de Ouais. cosmétique, t'achètes aucune décoration. Alors qu'Animal Crossing, ben, t'achètes des décorations. Tu t'en fais donner beaucoup aussi, pour être honnête. Ah ouais. Puis le store, ouais. Puis le store, le magasin de Tom Nook, il n'y a pas beaucoup de stock. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu vois une affaire, tu fais, ah, oh, ça c'est beau, je l'achète. Je l'achète maintenant parce que sinon, il reviendra plus. Puis, ouais. C'est ça, comme t'as ça, c'est dit. Faut mieux que ça soit le fun plus que réaliste. Ben oui, évidemment. C'est. Ça me fait Mais penser. c'est pas facile de faire que ça soit le fun, puis bien Ouais, balancé, c'est puis tout ça. ça. J'avais joué un peu, puis finalement, j'en avais pas parlé, puis finalement, j'ai pas rejoué. Mais j'ai aussi joué à Slime Rancher voilà quelques semaines. Puis ça aussi, ça a un système de bourse que il y a des choses, il y a des ressources qui valent la peine d'être vendues certains jours, puis qui valent pas la peine d'être vendues d'autres jours. Puis il y a comme des petites flèches sur la valeur pour dire que genre est en descente ou est en montée, ou tu sais. Pour te. Genre, te donner une idée de quand est-ce que tu veux tout vendre ou. Mais tu peux pas acheter, c'est juste pour vendre, mais ça. Mais c'est ça. Ouais, j'ai joué comme une grosse soirée, puis j'ai pas tant retouché depuis, mais si vous connaissez Slime Rancher, c'est comme en first person. Puis juste ça, comme. Juste ça me bug un peu déjà, là. Comme on dirait que je sors de comme l'espèce de fantasy de Harvest Moon, de Stardew Valley que je veux avoir. Parce que là, t'es en first person, puis c'est beaucoup plus actif. C'est beaucoup plus complexe parce que c'est des slimes qui rebondissent partout, qui essayent constamment de sortir de leurs enclos, C'est très dur de se starter parce que c'est très, très actif. Ils sont tout le temps en train de se manger les unes des autres, genre de sortir de leurs enclos, se manger les unes des autres ou se manger tes poulets. Ouais, c'est quoi ces slimes-là? Voyons donc. Mais c'est drôle parce que Des slimes cannibales? c'est le même principe, tu sais, t'arrives sur une planète, ouais, t'es comme sur une planète alien, puis il y a des slimes. T'arrives sur cette planète-là, puis ben t'as hérité d'un ranch, genre un peu, t'es le nouveau keeper d'un ranch, puis c'est ça, tu sais, qui est comme tout décrépit puis qui a rien dessus, mais t'en as comme un peu hérité, genre. Fait que c'est à toi de le restarter puis de tout rebâtir, puis au début tout coûte cher, puis tu sais pas comment commencer à faire l'argent. Puis ouais, c'était gratuit sur Epic Store, effectivement. Fait que tu sais, faut que t'essayes de faire avec juste comme quelques petites affaires, quelques petits enclos, puis tes enclos, ben l'affaire c'est que les slimes sont capables de sauter par-dessus les clôtures, fait que faut que t'es upgrade pour avoir des clôtures plus hautes, mais au début t'as pas l'argent de les upgrader, fait que genre c'est juste comme courir après tout le temps. Fait que c'est beaucoup plus actif là, il y a de la vie, et tu peux te promener, tu peux te faire attaquer par les autres slimes, faut que tu fasses attention. C'est beaucoup plus genre t'es sur une planète hostile, puis il y a des slimes, puis genre tu veux les capturer, puis les garder pour pouvoir les reproduire, puis vendre leur genre de cristaux de slime qu'ils peuvent produire de temps en temps. Vous s'appelle-tu de même, Du personne? slime poop. Genre, c'est quand ils mangent qu'ils en font en plus, là. Fait que genre, ouais, c'est comme un cristal, mais aussitôt que t'es nourri, là, c'est ça, ils mangent, tchouc, tchouc, tchouc, puis là, ils ont toute une diète différente, là, fait que faut que tu fasses attention à ce que tu leur donnes. Puis ils Fait qu'ils mangent sont tout, mous. ils chient un Nous, on... cristal. Oh, j'allais faire une joke vraiment dégueulasse. Alors, je Oups. vais pas faire ça, mais... Les autres sont mous pis ils chient dur. Genre. Non, c'est vrai, ils sont pas cannibales, ils se mangent pas entre eux autres, mais ils fusionnent. Puis c'est ça le problème. Parce que deux types de Pardon? slime peuvent fusionner entre eux autres, puis donner comme un hybride. Mais si trois types de slime fusionnent, puis aussitôt qu'ils se touchent, ils fusionnent, là, tu peux pas les empêcher. Mais si trois types de slime se touchent puis fusionnent ensemble, là, ça devient une espèce d'entité méchante, noire, qui se met à attaquer tout le monde puis à tout tuer, toutes. C'est des Master Slime. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça, c'est des méchantes Des slime. Dark Slime. Ouais, fait que faut que t'évites ça. Fait que pour ça, faut que t'es garde dans les enclos pour éviter qu'il y ait plus que deux sortes qui se touchent. Mais là, au début, t'as pas des bons enclos, fait qu'évidemment qu'ils vont sortir. Puis qu'à un moment donné, il y en a une hybride à deux qui vont toucher un autre, puis là, pap! Puis là, ils meurent toutes. Puis là, faut que tu recommences. Mais genre, au moins, ils détruisent pas tes enclos, là, mais faut que tu recommences ta horde, ta herd, ton troupeau de slime. Puis là, tu repartes à l'aventure. Fait que c'était le fun, mais c'était... C'est ça, j'ai trouvé ça le fun, là, mais c'est beaucoup moins chill. Beaucoup moins chill qu'un truc en top-down, que genre, tu fais juste te promener, ramasser du bois, ramasser de la roche, arroser ton jardin. Ouais, c'était pas le même game. De faire genre, non, non, non, saute pas par là, ah, elle a passé la clôture, non, non, non, non, non, non, non, tu sais, elle se dirige vers l'autre enclos, non, non, non, non, puis ils font juste genre, bong, bong, puis là, genre, non, bong, ils fusionnent, puis là, ça fait de ma chance slime. Non, c'est ouais, c'est pas la même expérience. Je me demande qu'est-ce que ça donne plus loin, plus endgame là. En tout cas, c'était quand même Wow. le fun. En tout cas, c'est très, très cute, là. Visuellement, Ouais, c'est... c'est vraiment cute. C'est juste complètement le, c'est vraiment, c'est un farming simulator avec toutes les mêmes affaires de genre, tu farmes des ressources, puis t'as besoin de ressources pour faire tes upgrades, pour bâtir ta ferme. Fait que faut que tu maximises, faut que tu nourrisses tes slimes puis qu'ils te donnent des cristaux, puis tu les revends sur le marché, mais tu les revends juste quand leur valeur est bonne. Mais à moins que t'aies vraiment vraiment besoin de cash là, ben là tu vas peut-être les vendre même quand la valeur est pas bonne. Puis t'sais, sont etc. vraiment expressives. C'est tout cute. Ouais, c'est vraiment... C'est adorable. C'est juste, c'est ça. C'est moins... C'est beaucoup plus actif. C'est beaucoup plus les deux mains sur le clavier maintenant, là. T'as pas capable de souper en même temps, là. Ouais. Bref. Dans la Je vais en série reparler des bientôt. jeux que j'ai achetés et regrettés, Oh non! ben pas regretté de... Non, non, excuse-moi. Regretté parce que j'y ai pas encore joué. Ah! Comme, Ok. j'avais acheté Slime Rancher Rancher. sur GOG, v'là genre. Ben, quand c'était sorti, à un moment donné, il était tombé en spécial, puis j'ai fait, ah oh ouais, il me tente, ce jeu-là, je vais l'acheter. Ça, c'est à l'époque où est-ce que j'achetais encore des affaires juste parce qu'il était en rabais. Et je me disais, ah, oh, je vais y jouer à un moment donné. À un moment donné, n'est jamais arrivé. À un moment donné, il est tombé gratuit sur Epic Store, fait que maintenant, je l'ai en double. Moi aussi, j'ai une Et coupe de jeux puis, comme ça. Je te comprends. à un moment donné, j'avais croisé Leslie à Job, puis elle m'avait dit genre, ah ouais, je joue à Slime Ranger, puis j'étais comme, ah ouais, ça me tente, là. Puis là, elle m'en avait parlé, puis j'étais comme, ah ouais, là, tu me donnes vraiment plus envie encore d'y jouer. Et ça fait probablement 3-4 ans de ça, fait que. Ben, à un moment donné, un jour, là. Un jour, quand ça tentera d'être tout ça, un farming simulator qui est moins relax, moins chill. L'affaire, c'est que au début, à cette époque-là, quand j'ouvrais GOG, j'avais genre un jeu ou deux jeux. Maintenant, j'en ai genre 300 bajillions parce que ça ramasse la librairie de toutes mes autres Oui. plateformes. Fait que là, c'est tous mes jeux Steam et les jeux gratuits de Epic, plus comme toutes. Puis je suis comme, ah, il y a beaucoup de jeux là-dedans maintenant. Ouais, ça c'est Fait que, le. yeah. C'était Slime Ranger. C'était Slime Ranger. Un jeu qui est pas chill, mais qui a des slimes. C'est le Qui fun poop. pareil d'explorer pis tout là. C'est juste que. Tu peux te faire tuer par d'autres slimes quand t'explores là. C'est juste ça. Dans le fond, c'est comme tous les jeux vidéo. C'est juste que on dirait que dans les Farming Simulator, on s'attend à ce que ce soit comme vraiment très très chill. À part genre quand t'es dans le donjon, mettons là. Mais dans celui-là, aussitôt que tu sors dehors de chez vous, c'est comme si t'étais dans le donjon. Pis même en étant chez vous, tu vas probablement courir partout s'il y a une slime qui est après manger tes poules. Wow. Bref. Parlant de courir partout, Oui. moi j'ai continué de jouer à Borderlands Yes. 2, qui est sorti il y a très longtemps. On a continué à jouer avec mon frère puis ma soeur. Et puis on l'a fini. On a fini Oh. l'histoire principale. Je suis pas sûr que c'est un gros spoiler de 10. Oh. En tout cas, je vais pas le dire, là. J'ai Je vais pas faire un aucune idée. spoiler pas important d'un jeu vieux de genre 10 ans. Fait qu'on l'a fini, on a joué à, on a essayé un peu les DLC, puis j'ai constaté que genre, ah, il y a un problème, c'est que là, moi, j'ai joué sur Steam parce que j'avais acheté ce jeu, puis j'avais ma save file sur Steam v'là très longtemps. Mais sur, puis là, à un moment donné, Borderlands 2 est devenu gratuit sur Epic Store. Fait que là, mon frère et ma soeur l'ont eu comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on a joué ensemble. Et là, on est arrivé pour faire le DLC. Puis c'est, oh shit, je n'ai pas le DLC sur Steam. Car il n'était pas gratuit. Ah, quand il l'a eu gratuit, il y avait toutes les DLC, ok. Il y C'est quand avait même cool. tous les DLC, sauf peut-être un. Genre, mais c'était le Game of the Year Edition, genre. Fait que t'avais tout. Non, t'avais non seulement tout le DLC de Borderlands 2, mais en plus t'avais Borderlands The Pre-Sequel, qui était la Ben, l'autre suite, d'après, le jeu là. suivant, plus, je crois aussi, tous ses DLC à lui. Fait que t'avais Oh. beaucoup de stock. Et puis, fait que la semaine passée, je parlais de Shotgun. Cette Oui. semaine, j'avais parlé de Gravity Slam. Ah, oh, ok, c'est ça le bot slam. Parce que là, je me suis dit, ah, en attendant que, parce que là, le problème, c'est que à trois, trouver un moment où est-ce que les trois, on est capable de jouer pour avancer les histoires, c'est tough. Fait que là, en attendant que je peux pas faire les DLC que je veux faire dans Borderlands 2, ceux qui ont de l'air le fun, genre celui de Tiny Tina. J'ai-tu parlé de Tiny Tina la dernière fois? Pas la dernière fois, non. T'en as déjà parlé, comme ever, mettons là, mais pas la Ah, dernière fois. Tiny Tina is the best. C'est une petite fille, elle a genre 8 ans, puis c'est la spécialiste en explosifs dans le jeu, dans Borderlands 2. Of course. Et puis, Ouais, on dirait que c'est un cliché qui revient de temps en temps dans plein de médias. Surtout dans les animés japonais, je Genre. pense. Ouais, peut-être. Mais, La petite fille qui fait des pièges ou qui met des bombes. ouais, mais. Mais là, c'est pas cute. Comme, Tiny Tina est pas cute. Et elle a de l'air comme, comment qu'on pourrait la décrire? Elle a de l'air d'avoir pris beaucoup de café. Elle a de l'air d'avoir fait 3 nuits blanches, puis d'avoir pris beaucoup de café. Puis C'est un elle enfant de crie tout 8 le ans, c'est temps. pas comme normal. Puis elle organise des parties, des comment on appelle ça, un tea party, Le thé, ouais. une petite soirée de prendre le thé avec Mr. Fluffy Butt, Princess Fluffy Butt et C'est qui ça? Mr. je sais pas quoi et l'invité d'honneur comment il s'appelle? Spike, je pense, qui est un des psycho bandits qui te court après dans le jeu. Fait que là, Elle a tu le des ramènes dans son bons amis. party, là, parce qu'elle a dit, genre, là, faut que tu ailles chercher mon invité d'honneur. Puis là, tu l'invites, puis là, elle l'installe dans une chaise électrique. Puis là, c'est comme genre, ah, Monsieur Spark, qu'avez-vous à répondre à Monsieur Spike? Monsieur Spike est comme genre, maudite conne, j'ai bien fait de tuer tes parents! T'es complètement cinglé! Ah, merci pour votre intervention, Monsieur Spark. Et Monsieur Spike, qu'avez-vous à répondre à ça, Monsieur Spark? Elle active la chaise électrique, puis ça le torture. Puis pendant ce temps-là, tu te fais. Il y a toutes les amis du bandit qui essayent de s'infiltrer dans le party. Et là, qu'est-ce Ça que allait tu cracher le fais? party. Tu fais le bouncer, puis tu les pètes avec Oh. des guns. Oh. Ah, là, subtil et raffiné quand même comme produit. Ben, c'est Borderlands. La solution à tout dans ce jeu-là, c'est tuer. L'air subtil et raffiné. C'est sûr, ils font un tea party. C'est toujours comme, ah, oh, j'ai besoin d'aller faire une mission. Fait que là, va là, puis comme, va le tuer. Puis genre, ah, oh, il y a un gars qui m'a volé une affaire. Comme, va le récupérer, puis tue-les. Puis tu tues comme des tonnes de gens dans... Puis c'est même un peu weird parce que vers la fin, c'est comme, tu sais, il y a Jack qui est le méchant, puis là, il essaye de, tu sais, il y a beaucoup de audiologues, là, pour te faire comprendre que Jack, il est méchant, puis il est comme genre, ah, oh, je vais tuer toute la gna, j'ai tué des gens, puis bon, il arrête pas de tuer plein de gens. Mais quand tu y penses, c'est comme genre, ouais, mais moi, j'ai tué vraiment beaucoup de gens aussi, là, comme peut-être plus, comme... La population de la planète a droppé de 25% depuis que t'es là, Ah, solide. Puis la population et la biodiversité aussi. C'est toutes les bébites, les skags, les Ah espèces de ouais, ça. chacals, tout ça, tout. Mais ils respawnent tout le temps. Ah, c'est Heureusement ça que... l'affaire. Es-tu réellement en train de faire un de sa biodiversité ou tu es en train de contrôler une population invasive? C'est vrai que, ouais, les bandits, ils reviennent tout le temps, fait Eux que autres tu aussi, contrôles. ils sont T'avais tous sur remarqué toutes ça les dans planètes. Genshin Impact, les gens ils disaient tu fais comme un génocide de champignons là, pour monter tes personnages. Mais non, ils reviennent à tous les 2 jours. On ferait quoi dans la vraie vie si nos maisons ils ont des champignons qui repoussent full size à tous les 2 jours? On leur mangerait tout le temps. C'est sûr qu'on les arracherait, On là. serait tannés. C'est comme les pissenlits, ça se mange, mais on les mange pas parce qu'on est tannés. Encore là, dans Genshin Impact, c'est drôle, les pissenlits, ils résistent aux bombes nucléaires, si tu veux. Mais si tu souffles dessus, ils vont partir au vent. Si Ah ouais, ah tu mets ok, une ils sont bombe là. nucléaire, ça décolle pas. Faut absolument que ce soit du vent. Ouais, si ta bombe nucléaire, elle contient pas l'élément vent, elle peut contenir eau, feu, électricité, glace, tout ce que tu veux, mais si elle contient pas l'élément vent, et puis ça lui bouge pas. C'est ça que ça compte pas. Il y a une affaire que je voulais parler aussi de Borderlands 2, Oui. c'est l'importance de. Tu sais, des fois, quand tu joues à un jeu, ben, un jeu comme un RPG avec plusieurs builds puis plusieurs arbres de skills, tu sais, c'est le fun de choisir puis de customiser, mais tu sais, des fois, c'est. Tu sais, on se rend compte que genre, ah, le jeu, il est comme peut-être pas aussi le fun. Puis là, ah, puis dans Borderlands, tu peux payer pas si cher que ça pour juste comme enlever toutes tes skills puis recommencer. Ah, ok, tu veux dire que Comme t'as un... choisi des skills qui, au final, ne rendent pas ton expérience plus intéressante? Ouais, tu sais, Ouais. c'est peut-être c'est peut-être c'est plus ou moins bon, c'est peut-être plus ou moins le fun en multiplayer à plusieurs, c'est peut-être comme plus ou moins. Fait que le jeu, au moins, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est pas pour changer ton bonhomme pour dans ses skills, c'est vraiment pas cher. Fait que tu fais juste, ok, ben j'ai tout jeté mes skills, puis on recommence, puis on les, puis j'ai changé, puis comme j'avais la madame, on va dire mage, La la siren. psychokinèse, genre. Je sais pas, là. Comment? C'est pas comme psychokinétique, ce qu'ils font, là. Ouais, Genre. genre. Fait que, puis là, ben, j'avais une affaire qui était plus comme basée sur du mouvement, puis c'était finalement pas si cool que ça. Puis là, j'ai pris celui qui était plus basé sur les effets de feu puis de électricité puis tout ça. Qui, quand tu lisais la description des skills, c'est comme genre, ouais, je sais pas si c'est si bon que ça. Mais je suis comme, ça coûte rien. Je veux juste resetter. Tout prendre les skills de là-dedans, dans cette section-là, puis juste voir comment c'est, puis au Tester. pire, j'en reviendrai comme avant. Puis genre, oh my god, c'est une orgie, c'est une explosion de jus électrique, corrosif, de feu. Comme, ça explose de partout, comme. Et mon bonhomme, je faisais juste marcher, puis les affaires mouraient. Puis j'étais comme, c'est quand même plaisant. Moi, je trouve que c'est toujours une belle addition à la qualité de vie dans un jeu de pouvoir permettre de respect sans devoir recommencer tout le jeu, là. Je trouve que c'est jamais, genre, pas bienvenu, là. Parce que tu le sais pas. C'est un peu comme Camille l'expliquait pour les upgrades dans Graveyard Keeper. Tu le sais pas qu'est-ce que ça donne de mettre tes points là-dedans, là. C'est souvent comme ça dans tous les jeux. Tu lis la description, pis t'es comme, ah, ça a l'air cool, I guess, mais tu le sais pas comment ça va jouer, pis si ça va bien fitter dans ton workflow, pis si ça va être le fun, pis, tu sais. Fait que non, je trouve que c'est toujours une bonne idée, là. Mais là, où ça s'insère les bot slams dans tout ça? Ah, les Bot Slam, ça c'est dans Borderlands de pre-sequel. Oh, ok. Fait que Que c'est-tu le j'ai même commencé. J'ai joué comme personnage? une heure, là. Fait Ok. que il n'y aura pas de gros spoiler, ça sera pas une grosse analyse, mais Ça j'ai t'a joué à peu marqué, ça près a l'air. une heure. On sait déjà c'est quoi la technique principale pour dealer du dommage. Ben, même pas. C'est pas si drôle que ça. C'est juste que j'ai écouté. En fait, une affaire que je trouvais drôle de faire, c'est que là, genre. Ça a commencé quand je cherchais le trailer de Tiny Tina, le DLC. Puis là, je suis retombé sur le trailer du DLC, puis la cinématique d'ouverture du DLC. Puis j'étais comme, ah, c'est cool de réécouter les vieux trailers avant de jouer le jeu pour te donner envie de jouer le jeu, genre. Mais c'est Comme bon, un peu comme les Border. highlights, là, t'sais. Ouais, mais. Ben, de un, parce que c'était très drôle, puis là, je vous les envoyais à mon frère et ma soeur, ce que j'ai d'ailleurs oublié de faire. Fuck. Parce que j'ai été trop captivé à les écouter. Mais, ce qui est. C'est que là, j'étais comme, ah, ben, je vais essayer pre-sequel, mais je sais pas, tu sais, ça va-tu être la même maudite affaire comme jeu, tu sais. On vient de finir Borderlands 2, est-ce que je veux vraiment me lancer dans un autre jeu pareil? À quel point c'est différent? C'est ça Fait que l'affaire, j'étais comme. c'est théoriquement, si t'aurais joué quand il serait sorti, t'aurais entendu peut-être 3-4 ans avant d'avoir l'autre. Fait que t'aurais pu ravoir le goût d'y jouer. C'est ça, Mais là, c'est tu joues ça. tout de suite. Ouais. Fait que j'avais checké comme le trailer ou le. Qu'est-ce que j'ai checké? Il y avait une ciné... un vidéo d'à peu près 10 minutes qui était comme genre, il explique ce qu'il y a de nouveau dans le jeu finalement, puis qu'est-ce qui est badass. Puis c'est les deux personnages, c'est vraiment drôle, c'est vraiment fucking drôle. C'est Torg, Mr. Torg, la compagnie des guns qui explosent. Cool. Qui lui est comme, imagine un lutteur avec des cheveux longs. Imagine Hulk Hogan, mais j'ai les cheveux noirs, puis qui est pas capable de pas crier. Ne fait que Ouais, je peux crier imaginer tout ça. le temps. C'est pas tant dur. Ouais. C'est pas si dur. Bon, Ouais. c'est vrai que ça s'imagine bien. Puis Good. l'autre narrateur, c'est Hulk Hogan en CEO. Ouais, c'est pas pire Ouais. ça. Mais en CEO en chess. Avec une grosse médaille. Puis l'autre, c'est genre Un gars, j'ai envie de dire un peu British, un scholar, là, un gars qui a fait des hautes études, puis qui est raffiné, qui prend le thé avec une moustache. Fait que ça, c'est. Comment Bref, il un s'appelle? C'est Britannique. Hammerlock. Sir Hammerlock. Sir Hammerlock. Fait que c'est ces deux-là qui font la narration, puis qui expliquent, dans le fond, comment Borderlands The Pre-Sequel est différent. Puis ils sont comme genre. Ah! Nous allons vous expliquer comment ça marche. T'sais. Puis l'autre est comme genre, All right! Ça va exploser partout! Puis ils font juste s'ostiner comme ça tout le long. C'est fucking drôle. Puis à un moment donné, c'est comme, puis là, tu pognes ton. Ça se passe sur la lune de Pandora. Fait qu'il Ah oh oui, c'est n'y a pas vrai. la. Il n'y a pas d'oxygène si tu es sur la Lune. La gravité est faible, fait que tu sautes super haut. Puis tu pognes ton kit d'oxygène qui te permet de hovering ton espèce de jetpack, I guess. Et de faire des gravity slams. Puis il est comme genre, c'est gravity slam. Puis il est comme, do not call it a butt slam. Pourquoi? Parce que c'est pas raffiné, c'est un gravity slam. Puis là, après ça, il t'explique genre, puis là, tu vas pouvoir y mettre des power dessus pour puis l'upgrader pour qu'il fasse plus de damage, pour qu'il pousse plus loin, puis qu'il mette du feu, puis de la lave, puis des explosions. All right, tu peux l'appeler un butt slam. Des C'est fois, quand je magnifique. vois ces trailers-là, comme OE3 ou quoi, comme je me dis, genre, I wish que je connaîtrais mieux le jeu pour être capable de trouver ça aussi drôle que les. Je pense à PAX, je pense que j'ai vu justement des trailers de Borderlands, pis ouais, c'est ça, tout le monde en salle est crampé, ben red, je suis comme, je sais pas c'est qui! C'est pas. C'est. Ouais, je peux comprendre. Oui, ben Si connaître un peu les personnages, les ça jokes peuvent être aide, drôles, ben là. Ouais. mais t'as quand même un gars. Même si t'es connais pas, parce que je les connaissais pas, je pense, quand j'avais vu ce trailer-là pour la première fois quand il était sorti. T'sais, je pense que j'avais même pas joué à Borderlands 2. Fait que je connaissais ni Torg ni Hammerlock. Je connaissais juste vaguement Borderlands. Le 1. Mais tu sais, tu comprends bien vite que genre il y en a un qui crie, puis il y en a un autre qui est raffiné, puis qui s'ostine, puis qui parle de genre, hey, on a des guns à laser parce qu'on est sur la lune, piou piou piou, puis comme on a des pistolets laser, des assault rifles laser, on a même des laser shotguns. Ça fait aucun sens, mais laser shotgun. Ça se prend vraiment pas au sérieux, puis je C'est trouve tellement ça comme vraiment Borderlands, c'est fucking drôle. tellement fusil centriste. Ouais. Je vous rappelle la semaine passée que dans le podcast, Ouais. j'ai parlé de shotgun. Effectivement. Cette semaine, c'était les laser shotguns. Ouais. Bref, c'est un bon trailer. Ça m'a vraiment donné beaucoup envie de jouer. Ça, sûr. Et ce qui m'amène à un problème, en fait, c'est Oh. que le problème de Borderlands, ça a toujours été que, tu sais, je disais tantôt, ce qui est le fun, c'est que tu peux changer les skills. Mais tu Ouais. peux changer les skills de ton bonhomme, oui, mais tu peux pas changer de bonhomme. Non, faut que tu recommences une game là. Ouais. Parce que si tu changes de bonhomme, ça fait new game. Puis ça, c'est un peu dommage. Parce qu'effectivement, tu sais, tu peux. T'sais, oui, tu peux changer les skills. Tu sais, mettons que tu dis, bon, mon bonhomme, je le trouve un peu plate. Tu changes ses skills. Tu vas peut-être le réussir à le rendre moins plate. Ou ben, mettons, tu joues en single player. Puis là, t'sais, comme, bon, j'ai pris des skills pour me protéger, pour pouvoir survivre. Mais là, quand je joue en multiplayer, c'est plate. Bon, ben, tu peux changer. Mais il y a des personnages qui sont peut-être un peu moins. T'sais, ils sont quand même vraiment bien faits, là, justement, pour t'offrir. Presque tous les personnages, tu peux te dire genre, moi je veux jouer plus melee, ou je vais être proche, tu peux jouer plus sniper-ish, t'es loin, À puis. distance. Ils tu peux Ils ont jouer toutes des genre, tu vas faire guns, des effets, tu peux. T'as anyway, là. toute la variété comme ça. Mais ouais, comme pas pouvoir changer de bonhomme, ça. Je sais pas comment qu'ils. Je comprends pourquoi qu'ils le font. Mais Il pourrait aussi faire une meilleure job quand tu choisis ton bonhomme de t'expliquer qu'est-ce que les bonhommes font pour que tu puisses choisir en conséquence, parce que là, sinon tu choisis puis tu fais juste choisir sur le look Ouais, puis au début, sur ouais. comme tu as eu une petite cutscene pour te montrer comme 5 secondes de chaque bonhomme. Ouais. Ouais, c'est vrai que comme dit Dranziar, au final, c'est juste une habileté puis des passive effects. Mais ça peut changer quand Oui. même comment tu joues, là. Mais ça change beaucoup ton gameplay. Comme dans Borderlands 2, j'avais joué la Siren. Puis comme, tu sais, elle met des ennemis dans des bulles. Mais après ça, c'est comme, OK, mais qu'est-ce que ça fait? Par défaut, ça fait juste, l'ennemi est dans une bulle, il bouge plus, puis là, il est facile à tuer. Mais là, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait que quand tu tires dessus, les balles, ils ricochettent sur les autres ennemis? Est-ce que ça fait que quand tu tires dessus, tes guns, ils tirent plus vite puis reload plus vite? Because reasons. Ou ça fait que si tu le tues pendant qu'il est en bulle, ça va te redonner de la vie? Ou quand il est en bulle, tu tires dessus puis là, ça fait des explosions de feu autour? T'sais, bon. T'as plein d'affaires comme ça que tu peux mettre sur ta bulle. Puis Ça semble être un ça truc qui est agréable en multijoueur aussi, parce que là, tu paralyses un peu les ennemis en même place, fait que là, tous tes amis peuvent les gonner, là. Tu sais, je trouve que souvent dans des jeux comme ça, justement, des personnages qui vont être plus bons solo, puis des personnages qui vont être plus bons pour jouer avec d'autres, là. ouais, comme la Siren, elle a un de ses skill tree que c'est pas mal du healing pour soi et pour les autres, fait que c'est comme c'est bien, mais c'est pas exactement la chose la plus le fun. Surtout quand t'es tout seul. Puis, tu sais, comme, faire des grosses explosions de feu, c'est quand même plus le fun. Ouais, c'est Visuellement. ça. Ouais, c'est pas facile de jouer le personnage de support parce que la gloire est jamais sur toi. C'est même pas un. Mais ça, elle se joue quand même super bien en single player. Comme j'ai fait la moitié du jeu en single player parce que justement, j'étais tanné d'attendre après mon frère et ma soeur. Puis comme ça joue super bien aussi, c'est le fun parce que comme tu mets l'ennemi dans la bulle puis tu tires dessus puis ben tu prends pas les skills de healing mettons. Fait que ouais, j'ai joué à Borderlands de pre-sequel. Puis honnêtement, même juste le début, ça me donne envie de rejouer à Tales from the Borderlands. Ah. Parce que là, j'ai réalisé qu'il y a un paquet de Pas dans la même personnages de époque, je Tales from pense. the Borderlands, que c'est les personnages que tu joues dans Ah, Pre-Sequel. cool. J'étais comme, oh shit, nice! Fait que c'est pour des jeux aussi niaiseux, l'histoire est quand même bien foutue. Ok, peut-être pas le 1, là. Le 1, Non. les quests sont so-so. Mais à partir du 2, là, ils ont vraiment comme. Je sais pas comment ils sont arrivés à la conclusion, genre, hey, on va prendre notre jeu de gun, qui est un espèce de RPG avec des quests que tout le monde s'en calisse de l'histoire, puis on va mettre une bonne histoire dedans. Puis ça va être drôle. Puis, ben, ça a marché, mais comme c'était quand même un gamble. Puis, ils sont allés chercher le gars qui écrivait les vidéos, le Hey Ash, what you playing? Ah ouais. Non seulement ça, mais en plus, sa sœur qui Ash dans les vidéos, c'est elle qui fait la voix de Tiny Tina. Pour vrai. Et elle parle pareil. Tiny C'est Tina, c'est Ash. bien drôle. C'est Anthony Birch, le gars, puis sa sœur, c'est Ashley Birch. Ashley Birch. Ouais. Puis, yeah. Elle est très très drôle. Puis c'est pour ça que j'ai Cool. hâte de jouer le DLC de Bunkers and Badasses. Ah, C'est c'est ça. genre Tiny Tina et DM d'une game de D&D. Oh, yeah. Je l'ai essayé juste le début, juste pour voir. Puis comme ça prend pas 4 secondes, puis c'est déjà drôle. C'est comme la cinématique d'intro est super drôle. C'est littéralement les bonhommes du jeu. Fait que c'est comme. Comment qu'elle s'appelle, là? La Siren dans. Maya. Le gros tas de muscles, puis le Tiny Lilith. Tina, sont comme genre, OK, roll for initiative! Puis lui, il est comme, c'est quoi ça, initiative? Ah, oh, ben, c'est l'affaire qui détermine dans quel ordre qu'on attaque. OK, I punch the initiative. Comme, oui, de, ben non. Brick pis Maya. Merci, Dranziar. Brick, c'est... Brick. Il punch. C'est sûr. Puis Maya, elle a des cheveux bleus. J'ai déjà eu une coiffure comme elle quand j'étais à Non, elle a des cheveux l'université. rouges. Ah, Non, Maya, c'est dans... Non, non, non, non, non. Maya, c'est le nom dans... C'est c'est le nom de la pas un. sirène dans le 2. Ah, ça s'appelle comment? La Bon, sirène dans le 1, c'est... Firehawk, c'est quoi son nom? Lilith, ouais, c'est ça. hmm. C'est Lilith, puis Brick, puis Mordecai qui joue à D&D. Puis Mordecai, c'est lui Mordecai, que ça j'ai y tente joué. pas de jouer. C'est lui que j'avais joué dans le 1. C'est lui qui pitchait son oiseau, là. Oui, puis qui snipe. Parce que that's how I roll. Ah ouais, ça, c'est l'affaire qu'ils ont changé pour le mieux, là. Dans le 1, comme tes classes dictaient un peu quel genre de gun qu'il fallait que tu joues, puis t'avais des Ouais. bonus, puis le jeu te récompensait à utiliser toujours les mêmes guns. Mais tu sais, comme faire un jeu complet avec des sniper rifles à un moment donné, c'est un peu plate. Je me suis pas rendu Fait tant loin. C'est vrai que ça aurait que... peut-être été plate. Ouais. Fait que le 2, t'as pas de bonus ou de pénalité, tu peux changer de gun comme tu veux, puis... Toutes les skills upgrade, toutes les. Ben après ça, tu peux, comme dire, évidemment, tu peux personnaliser ton skill tree ou tes items pour dire genre, ben là, je prends que les shotguns font plus de damage, Ok. mais tu peux le changer si jamais ça te tente plus. Sounds good. Bon, j'ai assez parlé de Borderlands, il me semble, puis Oui, d'explosion, c'est au tour puis de de parler de guns. chevalier. Ah, ben oui, qu'est-ce qu'ils font, les chevaliers? C'est vrai. Ah, oh, j'avais oublié qu'il fallait qu'on parle Il de pelt. chevaliers qui font des gravity slams. Il Do not call it a butt slam! n'y a pas besoin C'est plus d'utiliser comme des sites du pogo pelt. stick, en fait, là. Un peu. C'est-tu comme dans Commander Keen? Je pense que c'est plus comme dans DuckTales ou Zelda 2. Il y a des pogo sticks dans Zelda 2. Non, mais Mais il devient. l'effet est le même. Non, mais. Il y a le même genre d'effet dans Donkey Kong Country Returns. Je pense qu'ils ont inventé ça dans DuckTales. Comme dans Mario, quand tu sautes ses ennemis, ça les tue. Bon, mais dans DuckTales, ils ont fait genre, ben on n'est pas pareil comme Mario, là, fait que tu fais pas juste sauter sur les ennemis, mais si tu sautes puis tu fais en bas, tu peux utiliser ta canne de Picsou pour rebondir avec ta canne, puis ça tue les ennemis, puis ça te fait rebondir. C'est Fait vraiment que pas ghostique. dans Donkey Kong Country Returns, ben si tu pognes Cranky Kong, il est vieux avec une canne, il peut faire la même chose. C'est comme s'il pogo stick plus haut quand il rebondit sur des affaires. Puis dans le jeu que j'ai joué, ben tu peux faire ça. Ça met ça. Fait que là, Cool. ça fait plusieurs semaines que je le mentionne, peut-être dans les mots de la fin, mais j'ai joué à Shovel Knight. J'ai acheté Shovel Knight Treasure Trove qui contient toutes les DLC. Puis là, il doit commencer à en avoir pas mal. Ben, il y en a juste trois. T'as le jeu Ah, ok. principal, puis les trois autres, là. C'est juste que dans ces trois DLC-là, ils ont rajouté plus que juste trois campagnes. Oh. Fait que je sais pas dans quel ordre ils ont fait ça. Mais premièrement, ils ont relevé quelque chose qui fait que dans les textes, tu peux changer les pronoms pour les mettre comme tu veux, neutre ou n'importe quoi, le contraire d'avant, tous des gars, toutes des filles. Tu peux Nice. faire quelque chose de semblable pour les apparences des personnages. Tu peux choisir s'ils ont l'air des gars, l'air des filles, l'air du contraire d'avant ou peu importe, puis les changer à l'unité si ça te tente. Fait que c'est un peu comme si t'as des skins de plus. Puis tout ça, c'est indépendant des pronoms que tu as choisis. Good. Pas mal cool. Damn. Puis ça, je sais pas c'est dans quel update, mais c'est quelque part là-dedans. Ils ont rajouté un mode challenge où est-ce que tu peux faire des morceaux de tableau, je pense, où est-ce qu'il faut que tu ramasses de l'argent. Je sais pas quand ils ont rajouté ça, mais ils ont rajouté ça quelque part. T'as un mode showdown où est-ce que tu peux jouer à 2 ou à 4, puis c'est un petit peu comme jouer à Super Smash. Fait que tu Oh pognes des oui. bonhommes du jeu puis tu te bats ensemble. Je sais pas quand est-ce qu'ils ont fait ça. Une coupe Il y a d'années, là. Ouais. un jeu de cartes, ça a l'air, que j'ai pas encore essayé. Lui, j'ai une bonne idée, c'est quand? C'est probablement dans la dernière, parce que le dernier s'appelle King of Cards. Ouais. Je me Ils ont rappelle toutes juste de. des années où il y avait genre des grosses pubs à PAX, des updates de Shovel Knight. Ils ont toutes nommé avec les personnages du jeu, là, fait que la première campagne, elle s'appelle Shovel of Hope, parce que c'était avec Shovel Knight. Mais après ça, c'est Plague of Shadows avec. Plague Knight. L'autre est un petit peu. Comment il s'appelle? C'est le chevalier fantôme. Spectre of Torment. Puis la dernière, King of Cards. Fait que c'est juste trois DLC, mais il y a pas mal de contenu à faire. Là, je dirais que j'ai fait un peu la moitié parce que j'ai fait deux campagnes, mais j'ai pas commencer à faire les challenges puis du showdown puis n'importe quoi d'autre. Par contre, j'ai fait une New Game Plus puis c'était vraiment difficile puis je pense pas que je vais le refaire parce que tu peux faire des New Game Plus avec chacune des campagnes. Là, j'ai juste fait Shovel of Hope deux fois. Puis j'ai fait Plague of Shadows. Fait que Shovel Knight, c'est pas même compliqué, c'est comme un mix de Megaman puis de Castlevania. Sauf que ça se joue en 16-9, puis les gens qui ont réalisé ça, ils ont décidé de le réaliser en utilisant un petit peu les limitations du vieux NES. Donc, ils se sont limités au nombre de couleurs. Le screen shake, il est juste sur un axe, parce que le NES pouvait juste faire ça. Il y a comme des limites de trucs qui se passent à l'écran. Comme l'illusion est vraiment pas mal bonne. J'ai vu en plus comment ils ont développé, je pense, dans l'émission YouTube Boundary Break, qui ça roule tout dans un genre d'engin 3D, mais ça paraît presque jamais. Puis quand je dis presque jamais, en fait, c'est jamais, c'est juste que personnellement, j'ai remarqué une affaire que je porte attention, c'est à voir si les jeux sont bien imbriqués dans leur grille de pixels, puis Shovel Knight l'est pas tout à fait. C'est Il triche la un petit seule peu. critique pratiquement que j'ai sur le jeu. Puis c'est un détail stupide. Fait que dans le fond, le jeu il est pixelisé comme sur un vieux NES, mais en réalité, quand tu regardes de proche, quand tu bouges ton bonhomme, il est pas aligné avec les pixels nécessairement. Tu peux avoir tes pixels à moitié à cheval les uns sur les autres, contrairement à une vraie console qui affiche ses pixels sur une grille. Mais ça fait que les physiques, des fois, sont un peu bizarres. J'ai comme l'habitude de faire des speedruns, mettons, sur Super Nintendo. Ben, je fais pas vraiment des speedruns, mais disons que j'essaie des techniques avancées. Puis des fois, tu t'enlignes tes pixels, puis t'es comme habitué aux physiques. Tu fais des sauts qui sont presque pixel perfect. Ben, dans Shovel Knight, quand t'essayes de faire ça, t'es jamais vraiment sûr que t'es sur le pixel. Tu le sais pas vraiment. Les physiques sont comme trop réalistes. Tu peux difficilement profiter des curves des objets parce que tu vois pas nécessairement la grille, elle se trouve où. En tout cas, je dis ça, mais en même temps, c'est pas si pire, là. Quand t'as des ennemis dans des échelles qui pitchent des haches à gauche puis à droite, ben, ils réussissent à pitcher leur hache comme exactement à un carré à droite puis un carré à gauche. Fait que tu peux comme facilement les éviter en te mettant entre les deux ou en attendant. Fait que ça marche pareil. La grosse affaire vraiment cool que j'ai faite la semaine passée, c'était vraiment de faire Plague of Shadows. Quand tu fais Shovel Knight, je pense que je vais être obligé un peu de spoiler qu'est-ce qui se passe dedans. C'est quand même un jeu de 2014, fait que je pense que les gens ont eu le temps de le faire. C'est une histoire cute où est-ce que tu apprends qu'anciennement, il y avait des héros qui cherchait des trésors, puis les meilleurs, c'était Shovel Knight, puis Shield Knight, puis ils étaient tout le temps ensemble, puis tout le monde les appréciait. Puis à un moment donné, ils sont allés à quelque part, ils ont trouvé une amulette magique, puis là, Shovel Knight s'est évanoui, puis il a jamais retrouvé Shield Knight. Puis là, tu vois qu'il est sur sa ferme, puis il fait juste pelleter, puis il s'occupe de sa ferme avec sa pelle. Comment ça Puis faisait pour là, être un duo d'enfer si c'était une pelle et un bouclier? ben, je ne sais pas. On dirait que Mais je... Ok. ça fait partie des jokes du jeu, ça, genre, comment Ouais. est-ce que tu fais pour te battre avec une pelle? Ouais. Puis Genre, tu rentres au village, puis le gars, il dit: Oh, attendez, vous n'avez pas le droit d'avoir d'armes ici. Oh, c'est juste une pelle, là. Ok, c'est correct. Est-ce que la pelle a un nom? Non, elle n'a pas de nom. Ah, je Par voulais contre, elle a savoir. une garde comme une épée. Mais je voulais savoir comment elle s'appelle. Non. À ce que je sache, elle n'a pas de nom. Quelle Tu occasion peux manquée. upgrader qu'est-ce qu'elle peut faire, mais tu peux pas la changer. C'est pas comme dans Zelda que des fois tu changes d'épée, là. T'as juste une pelle, puis. Mais je sais pas comment s'appelle. Comment s'appelle-t-elle? Fait qu'on le saura pas. Non. Mais ce qu'on va savoir, c'est qu'il y a l'ordre de pas de quartier. En anglais, dans la version originale, c'est The Order of No Quarter. Qui se forme parce qu'il y a un personnage qui s'appelle l'Enchantresse. Il y a comme une tour qui sort de la terre. Puis là, ben, en gros, tu vas devoir battre l'ordre puis aller battre l'Enchantresse. Ils ont-tu tout le temps Puis. jamais une scène? Cause they got no Ils ont jamais quarter. de vraie scène, j'ai bien compris. Non, Hey boy. c'est weird comment il y a beaucoup d'argent dans ce jeu-là. C'est vraiment inspiré des vieux jeux classiques parce que comme tu trouves une pile de saleté à terre, que tu donnes un coup de pelle dedans, C'est 6 diamants. parce qu'il n'y a personne Ah, d'autre qui mais. a de pelle. Non, mais ça, dans Borderlands, c'est la même affaire aussi, là. Tu sais, comme. Il y a une pile de cochonneries, de genre de vomi de slag avec des ossements. Tu donnes un coup là-dedans, puis c'est comme, ah, trois, quatre sortes de munitions, du cash. Ah oui, tu trouves les toilettes, puis c'est comme, ah, oh, des sniper rifles. Le monde sont tellement comme oh non, j'ai encore oublié mon gun aux toilettes. Bon, ben, je présume que quelqu'un va le Ben, ils trouver. en ont tellement, c'est comme, oh, j'ai oublié C'est mon ça. gun aux toilettes, c'est pas grave. Fouille d'un buisson, fouille d'un poubelle, littéralement, t'ouvres des containers à vidange. Ah, un gun. Ouais, fait que c'est quand même cool les jeux où est-ce que comme la richesse est enterrée vraiment pas loin, là, puis comme il y a du cash partout, là. C'était ça dans New Super Mario Bros. 2, là. C'était ça le thème, c'est genre il y a que trop de cash, puis tu peux devenir Mario en or, puis tu tires des boules. C'est pas des boules de feu, c'est des boules de tu te changes en or. Fait que là, tu changeais les ennemis en or, puis tout devenait des coins. C'était malade. Il y a un peu de ça dans Shovel Knight. Des fois, tu perds des affaires puis ça explose d'argent partout, là. Et ça fait partie du gros fun. Anyway, dans le jeu, évidemment, tu bats les 8 ennemis puis après ça, t'as comme une séquence finale où est-ce que tu fais le château de la fin puis tu gagnes puis tu réussis. Puis finalement, c'était l'amulette méchante qui avait transformé Shield Knight. Puis là, tu réussis à la sortir de là. Là, ton rival depuis le début qui s'appelle Black Knight, que lui aussi a une pelle, c'est juste que c'est comme toi, mais il est noir. Ben, c'était comme un triangle amoureux, puis la seule raison pourquoi il t'empêchait d'aller là-bas, c'est parce que lui, il savait c'était qui. Ben non. Hey, le suspense de cette histoire me surprend. Mais c'est un peu cucu comme histoire, mais comme c'est C'est bien qu'il ait correct. décidé d'en faire une. Puis. C'est bien qu'elle soit aussi cucu aussi parce que c'était ça les années 80 en gaming. Ben oui. C'est même plus cool que les histoires qu'ils faisaient à l'époque. C'est un petit peu plus développé pareil. Quand tu fais Plague of Shadows, il arrive de quoi avec le personnage de Plague Knight? Lui, dans le fond, il décide qu'il veut pogner les essences de chacun des chevaliers. Parce que s'il les pogne, il va réussir à faire une potion pour être le plus fort au monde. Oh shit. Là, il y a un personnage qui s'appelle Mona qui est comme caché dans une cave dans le village, dans Shovel Knight, puis elle te fait faire un jeu où est-ce qu'elle pitche des potions partout, puis tu peux gagner du cash si tu performes bien. C'est un peu comme dans Zelda, c'est genre je te charge 300$, tu as une chance d'en faire 1000, mais si tu joues trop mal, tu vas en perdre 50. Yep. Fait qu'elle sert juste à ça. Mais en Plague of Shadows, t'apprends que c'est parce qu'en réalité, elle a la base secrète avec Plague Knight en dessous du village. Oh ben. Et là, c'est elle qui va t'aider à faire la potion. Mais tout ça, c'est un genre de gros setup parce que Plague Knight, il veut juste la potion pour devenir fort parce qu'il veut impressionner Mona. Oh! Il veut pas devenir le maître incontesté de l'univers. Non, il veut juste être comme puissant puis que Mona, elle l'aime. Puis qu'est-ce qu'il réalise pas, c'est qu'il y a des signes très clairs qu'elle l'aime déjà. Genre, elle est en train de l'aider à faire son truc. Puis c'est pas mal là. Black Knight est encore là pour comme lui il a tout compris puis il sait tout ça. Puis ce que j'ai aimé c'est que t'as l'impression que tu joues une histoire alternative parce que ça se passe en même temps que Shovel Knight. Puis là t'arrives au village t'as pas le droit de rentrer parce que t'es Plague Knight puis tout le monde t'haït. Fait que là faut que tu fasses de quoi? Tu peux comme passer en dessous du village. Puis là, quand tu vas en dessous, tu vois un petit peu qu'est-ce qui se passe en haut, puis ça adonne que Shovel Knight passe en même temps. Fait que toutes les fois que tu vas dans des places importantes, tu vois Shovel Knight qui passe puis qui fait la quest normale. Oh. Est-ce que c'est toi dans le passé? Genre, ouais, c'est un peu comme ça. Ouais, c'est comme Il ils y n'ont pas a... enregistré ton gameplay, mais c'est supposé représenter toi dans le Ouais, passé. non, non, mais là, évidemment. Ça aurait été Non, drôle. c'est ça. C'est clairement pas ton gameplay parce que moi, il y a un choix que je fais tout le temps, puis à la fin du jeu, ils l'ont pas fait, là. Non. Quand t'arrives à la fin, ça fait comme dans Megaman, tu tombes sur la table à souper, puis c'est comme le dernier souper de Jésus, sauf tous les méchants sont en train de souper. Toi, t'atterris sur la table, c'est comme salut. Là, faut que t'y battes un après l'autre. Sont polis, ils attendent Pour leur ça tour. que c'est le dernier souper. Un coup que tu les as battus, ils tombent tout en bas de la tour, puis là, ils s'accrochent un en arrière de l'autre comme les singes dans le baril. Puis là, tu peux juste comme t'en aller, mais le jeu te le dit pas, mais si tu utilises ta pelle comme pour pelleter proche d'où est-ce qu'ils se tiennent, tu peux les sauver, puis les ramener proche de la table. Puis ensuite de ça, ben, ils ont des dialogues si tu vas leur parler, puis ils disent toutes sortes d'affaires. Entre autres, si t'as acheté l'armure d'or qui est complètement inutile, à part que t'es beau pis tu fais des flips quand tu sautes. King Knight, il est genre, oh, t'as un get-up vraiment dandy, c'est quand même impressionnant. Oh yeah, Lui, une respect. ligne différente parce que t'es habillé en or, pareil comme lui. J'aime que tu Nice. précises qu'un suit en or, ça sert à rien. Parce que comme si dans la vraie vie, avoir un suit en or, ça servait à quelque chose. Ça sert à avoir Ouais, du mais... street cred. Des fois, dans Fait les quand jeux, même. ça donne un pouvoir spécial. Ouais. Comme dans Ghouls and Ghosts, quand t'as le saut en or, tu peux charger tes attaques, puis faire une grosse attaque spéciale super forte. Bon, Par donc contre, il est celui-là, pas elle ne inutile. protège pas plus que l'autre. Ça, c'est L'or, drôle c'est dans pas un Ghouls bon and Ghosts. protecteur. Dans Ghouls and Ghosts, quand tu te fais toucher une fois, toute ton armure à ton batteur, tu te retrouves en boxeur. Même si tu l'avais upgradé deux fois, fait que là, t'as la meilleure armure du jeu, elle a quand même juste un point de vie. Maudit jeu de marne. Pourquoi on lui donne autant d'attention? En plus, dans Shovel Knight, l'armure d'or, c'est la plus chère. Elle sert juste à faire des flips. Ça fait des petits brillants aussi quand tu te promènes puis quand tu sautes. Oh, plus. Ouais. Puis ben ça Ça fait aspire du que glitter. ça fait que King Knight il te respecte parce que t'as Ah. un armure en or. Il respecte ton swag. C'est important, Il y a le street aussi cred. Ah ben oui, c'est sûr. Puis toutes les knights ont un petit quelque chose à te dire quand t'arrives à la fin. Là, Ouais. le truc, c'est quand tu joues à Plague of Shadows. Ce que j'ai compris, c'est que c'est pas une histoire alternative, c'est juste une histoire qui se passe en même temps, puis tu vas apprendre comment que ça se passe en même temps, parce que genre, mais comment c'est possible? Là, faut que j'arrive genre dans mon propre château, faut que je batte les ennemis, mais c'est mes petits bonhommes. Mais ça aussi, c'est expliqué, parce que quand t'es dans ta base secrète, t'as tes minions qui se promènent partout, tu peux les péter juste pour le fun, parce que t'es méchant. Bien sûr. Puis il explose, puis il tombe en bas du tableau. Fait que là, quand tu rentres dans ton tableau, c'est pas grave, tu pètes tes propres minions parce qu'ils sont dans le chemin, parce que t'es méchant, puis tu te rends jusqu'à la fin. Puis là, ben, tu te bats contre Shovel Knight parce que Shovel Knight, il arrivait pour te battre. Mais là, tu bats Shovel Knight, fait comme comment est-ce possible? T'es pas supposé de le battre. Fait que là, c'est juste drôle, Shovel Knight, il se relève, puis il tape dans le dos pendant que tu fais ta victory pose, fait que là, tu perds. Puis ça continue, puis c'est l'animation de victory de Shovel Knight, où est-ce que là, il s'en va proche de son feu, puis il s'en va s'endormir. Puis comme, on dirait que t'es revenu dans la quest normale, puis que t'as arrêté de jouer Plague Knight. Là, tout d'un coup, Plague Knight, il arrive, puis il est comme, ah, tu te sauveras pas avec ton essence. Puis pendant que Shovel Knight, il dort, il pogne son essence, puis il se sauve avec. Ben, parce que c'est weird, mais pogner l'essence des chevaliers, ça les tue pas, ça leur fait rien vraiment de spécial. Ils ont pas vraiment perdu leur pouvoir. C'est juste que lui, ça va lui permettre d'être fort puis d'impressionner la petite fille. C'est ça. Correct, ça. D'ailleurs, il y a tout un truc avec la danse. Tu peux apprendre à danser dans ce jeu-là. Oh. Il y a un Mais poisson qu'est-ce que magique. ce jeu? Je comprends plus rien. Il y a un poisson magique qui dit Oh. que tu pèses en bas, ton bonhomme, il peut pas se pencher, mais si tu pèses en bas puis que le poisson, il te l'a appris, tu peux comme valser. Mais le Oh. truc, c'est qu'à une couple de points dans le jeu, ça dit que Plague Knight, il sait pas danser puis qu'il n'y a aucun beat. Mais le poisson est capable de te l'inculquer en te crachant de la potion spéciale dessus. Ouais, puis Ça ton pouvait pas bonhomme, il être a genre. normal. Non, ça peut. En plus, c'est un poisson géant qui est un truffle. C'est comme un mix entre une truite et une pomme. Nice. Ouais, c'est ça. Ça fait OK. très Bug Snacks. Oui, hein, c'est vrai. Ouais, en tout cas, il est comme tout rouge avec une petite queue puis une feuille sur le top de son dos, comme s'il était une Oh. pomme. Trapple, ça sonne vraiment comme oublettes. Un Ça peu, sonne ouais. comme un oublette. C'est un trout puis un apple. En tout cas, c'est très bizarre puis plus ou moins utile, on dirait. Mais là, il t'apprend à danser, puis à un moment donné, quand tu tournes dans ta base secrète, tu vois que Mona est en train de valser toute seule, puis ton lift, normalement, qui est supposé de te descendre dans ta base. Il marche pas, faut que tu le partes manuellement cette fois-là. Fait que là, ça te permet d'assister à Mona qui danse toute seule en bas. Puis là, quand tu te tannes, tu peux peser. Puis là, la surprendre, puis elle fait comme ah, oh, je faisais juste danser toute seule, là, je fais ça des fois. Là, c'est tout. Mais si tu t'en vas proche, que tu sais danser, puis que tu pèses sur danser, Plague Knight ne danse pas dans cette scène-là. Il fait juste comme taper ses doigts ensemble comme s'il sait pas quoi faire parce qu'il est trop gêné. Oh. Quand tu allumes que tu as unlocké la danse, puis que Mona danse, puis que tu peux aller danser, puis tu essaies de le faire, tu peux pas, t'es gêné. Oh, ça te prend le pouvoir. C'est pour ça que t'as besoin de l'essence de tous les autres chevaliers, c'est pour avoir le courage. Quelque chose comme ça. Fait que Oh. c'est vraiment cute, je m'attendais pas à toutes ces surprises-là dans cette quest-là. Le gameplay est complètement différent. Tu lances des bombes, fait que tu peux choisir, genre, tes bombes, est-ce qu'ils rebondissent, est-ce qu'ils fly par en haut, est-ce qu'ils s'en vont comme des boomerangs, est-ce qu'ils spinnent autour de toi comme un bouclier, ils explosent-tu dans longtemps, dans pas longtemps, est-ce qu'ils peuvent se combiner pour en faire une plus grosse? T'as plein d'affaires. Il me semble qu'une bombe en boomerang, ça sonne pas comme une petite bonne idée. C'est vrai, hein? Ouais, ben, ils font jamais mal à toi, là. C'est C'est It puts the boom into boomerang. T'as dit ça, je suis comme ouf, ouf, pas sûr. Les mettre autour de toi puis qui tournent pour te faire un bouclier, ça n'a pas l'air Oh. safe non plus, mais ça marche. Puis tu peux comme charger tes bombes, ça fait qu'est-ce qu'ils appellent un burst, fait que ça fait que tu as un triple saut en faisant ton burst. Ça aussi, tu peux en apprendre plein. Tu peux apprendre de. T'as des objets magiques spéciaux dans Shovel Knight. T'as comme la baguette qui tire du feu, mais ça prend ta barre de magie. Ben, dans Plague of Shadows, ta barre de magie, elle revient tout seul. Puis toutes les espèces de trucs spéciaux de même sont différents. Fait qu'il y en a un que j'ai utilisé beaucoup, là. Ça fait que quand tu le pognes pendant genre 10 secondes, si tu fais du dommage, ça te remet de la vie. Fait que là, comme le combo ultime, c'est tu mets les bombes autour de toi, plus le truc qui fait que tu reprends ta vie, puis tu fonces dans tout le monde, puis c'est super facile. C'est pas vraiment super facile, mais comme t'as beaucoup de trucs que tu peux faire selon comment t'as envie de jouer. Puis, ben, juste ça, c'était hot. peut-être que j'ai pas aimé, c'est les arcs, là. Je sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, je voulais parler des arcs dans les jeux, là. Ben, c'est Oui! ça. Arc! Moi, je C'est que pensais pas que c'était dans Shovel Knight. quand tu catches des bombes, ça fait un arc. Puis les affaires qui font Oh! des arcs de même dans les jeux, j'aille ça. Ça marche pas Ouais, bien. c'est le temps de crush. Tu voudrais tout le temps que ça soit plus proche ou plus loin ou moins haut ou pas correct. Puis... Fait que peut-être le défaut de Plague of Shadows, c'est que t'es obligé de composer avec les arcs de même. Puis si t'as pas unlocké toutes les trajectoires, comme Boomerang, ça pitch par en avant. Lob, ça pitch par en haut. Les bulles, ça part par en bas, puis ça remonte à la fin. Comme tant que tu les as pas, t'as pas accès à tout ça. Puis même quand tu les as, faut tout le temps que tu fasses pause pour aller changer ton cossin dans ton menu. Puis ça, c'est pas mal gossant. L'idée, c'est que c'était sorti à l'origine sur Wii U puis 3DS, fait que tu pouvais gosser dans ton menu avec ton deuxième écran. Ah, c'est pour ça. Ouais. Ça a du sens. C'est vrai, hein, c'est Fait que vieux de même, non. quand même, comme jeu. Ouais. Il semble qu'il aurait pu le sortir. Il aurait pu, t'sais, tu Ben, peux, t'sais, mettre un bouton. je pense Comme que tu as les un quick manettes ont beaucoup swap. de boutons maintenant. Je Tu peux pense que tu as avoir. un quick swap, mais le problème avec Plague of Shadows, c'est que ta bombe, tu as le contenant, la poudre qu'il y a dedans, puis la fuse que tu peux changer. Oh, Après ben ça, là. tu as ton burst que tu peux changer, puis tu as ton item spécial magique que tu peux changer. Fait que là, ça en fait beaucoup des boutons gauche-droite 5 fois, là. Ok, moi. Puis se retrouver en plus. Fait que t'es aussi bien de faire pause puis aller le changer, mais tu te retrouves que, genre, pour le boss de fin, j'ai changé mes trajectoires tout le temps pour que ça aille bien, puis ça allait super bien, mais j'étais tout le temps en train de faire pause. Ben. Mais j'étais content que ça aille bien, j'avais comme appris le jeu, finalement. Ben. C'est cool pareil. Good! Ça a Fait l'air vraiment que. cute. Ouais, avoir des presets, ça aurait pu être cool. I guess que c'était peut-être. Tu sais, le jeu était pas assez gros pour dire que c'était si chiant que ça, là. C'est comme 3-4 button press, là, toc toc toc toc, puis tu sors, là. Comme ça se fait, là. C'est juste un peu plate. Fait que c'est ce qui nous amène au mot de la fin. Est-ce Oui. qu'on a des mots de la fin? Est-ce que j'ai un Absolument. mot de la fin? C'est sûr que j'en ai un, c'est le Est-ce... marathon de Ah, Reset en ce moment. vas-y, Anne-Marie. All right. Parle-nous ça. Bon, ben, en ce moment, sur la page No Reset, je pense que c'est genre noreset.tv, puis ça vous donne directement, exactement, si vous tapez noreset.tv. On On est va là, donc. pouvoir checker ça en différé si on a manqué les poulets. Oui, c'est ça. Ben, il y a les VOD qui doivent être sur la chaîne déjà. Puis probablement dans la semaine qui va suivre, ben, dans la semaine prochaine, ils vont mettre les VOD sur YouTube aussi. Fait que vous allez pouvoir chercher directement Jurassic Park Poulet pour 100, qui est une run custom faite par Chocouchou de No Reset, qui inclut de terminer le jeu Jurassic Park, mais en ramassant 100% des poulets. C'est cool, Oui! puis qu'on Ben sait oui, maintenant que ta les sauce poulets vas-y. sont aussi des dinosaures. Oui, ouais, fait que c'est comme un peu weird, là. Vas-y, ta sauce, Quand y a on pas y de problème. pense. Ouais, fait que c'est ça, puis c'est ça a lieu tout le week-end, c'est commencé maintenant, ça termine dimanche soir tard, dépendamment des incentives qu'on est capable d'atteindre. Et le tout est pour la fondation Les Petits Rois. Donc, les Petits Rois, c'est une fondation qui vient en aide aux enfants atteints de handicaps mentaux et du spectre de l'autisme. Puis cette levée de fonds-là, en particulier, c'est pour financer une maison intelligente, une smart home pour les gens atteints du spectre de l'autisme, parce que souvent, dans le fond, l'idée, c'est que souvent, ces fondations-là viennent en aide aux enfants, mais ces gens-là deviennent des adultes à un moment donné, puis ils ont comme plus de ressources. Fait que les petits rois, ce qu'ils font, c'est suivre ces enfants-là, mais de l'enfance jusqu'à forever, puis de pas les lâcher. Fait qu'ils créent une maison intelligente dans laquelle les gens avec des handicaps vont pouvoir avoir plein de technologies à la fine pointe qui vont les aider à être autonomes, puis à vivre leur vie d'adulte pleinement. Et de façon satisfaisante. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ramasse des fonds tout le week-end. On va être là. Il y a plein de runs, il y a plein de runs d'extra. Si on atteint le 10 000 $, il va y avoir Miss Harvey qui fait Prince of Persia. En speedrun, Oh ça va être. shit. Ouais, ça va être pas mal cool. Lequel? Sense of Time, je pense, comme le 1, genre. Ok. Ben non, mais en même temps, oui. Le premier en 3D. Hey, c'est ça? Il y en a d'autres pas en 3D? Écoute, j'ai juste Ben, vu pour ouais, il y dire. a un Prince of L'original. Persia extrêmement vieux sur comme Apple II, Oh là, en shit. noir et blanc, genre pratiquement. Ok. Dans les années 80. Non, c'est Mais The comme. Forgotten Sands. Ça va avoir lieu Ok, demain c'est ça. C'est soir. celui en 3D. Ouais. Fait que ça serait franchement très cool, mais sinon, évidemment, il y a vraiment de tout, là. De tout pour tous les goûts. On finit ça dimanche avec Ori and the Blind Forest suivi de Ori and the Will of the Wisps. Ça va être malade. Il y a un incentive pour que quelqu'un fasse la séquence de Escape les yeux bandés. Bref, ça va être le fun. Fait que venez nous voir sur noreset.tv tout le week-end. Je vais hoster dimanche vers midi et demi la run de Super Mario World et de Konosu Mario World, qui est un kaizo patente, là. Je vais hoster ça dimanche, sinon je vais être là comme. Je vais être là pour regarder, puis ça vous tente de jaser dans le chat comme responsable des médias sociaux. Demain, samedi et dimanche. Fait que bref. Voilà. Oui, c'est dimanche, Harry, c'est dimanche soir. À 3h30. Dimanche après-midi, dans le fond. Dépendamment du retard qu'on réussit à accumuler. Ça devrait être dimanche à 3h30. Vas-y, ta sauce, si tu veux faire une plug, on va la dire. Blob, t'as-tu un mot de la fin? Rien d'aussi excitant que ça. Non, rien de spécial. Bon, ben, sinon, il y a Tasso dans le chat. Moi non plus, j'ai pas grand-chose à dire, mais il y a Tasso qui a écrit une plug dans le chat. Fait que, yo! I guess que ça fait partie du mot de la fin. Et donc, c'est ce qui termine ce podcast de On a juste une vie. Si vous avez aimé ça et que vous en voulez plus, on a un site web qui s'appelle onajusteunevie.ca qui contient tous les liens pour nous, pour vous abonner sur Apple Podcasts ou votre application de podcast préférée ou sur YouTube et sur Twitch. Pour nous envoyer des emails, vous pouvez nous écrire à info@onajusteunevie.ca. Merci aux gens qui étaient dans le chat. Vous pouvez rejoindre notre groupe Discord puis continuer à jaser avec nous autres. Le lien est aussi sur notre site. Merci à Blob et Anne-Marie d'avoir été avec moi ce soir. Et puis, ben, on se retrouve la semaine prochaine parce que on a juste une vie! Genre, oh my god, il y a des mécaniques de dating sim dans Genshin Impact, je suis excitée. Puis tout de suite, mon ami a fait c'est pas toutes des enfants. Fait que, genre, oui. Mais c'est pas du dating, on devient amis. Ouais, ils appellent ça des hangouts. Oui. Puis c'est vraiment pas romantique, c'est juste ça marche comme un dating sim. Il y a pas de ouais, romance, juste genre. Ben, c'est on encore chill drôle. comme quand on allait au centre d'achat avec nos amis plus jeunes, genre. Fait que tu te dis, il n'y a pas de romance, il y a juste du cul. C'est comme ça. C'est ça, right? Non, we're friends. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai follow celui qui envoie des photos de renard à toutes les 30 minutes. Oh, renard aux 30 minutes. Oui, Est-ce que toi aussi, t'as réalisé que Fox News, ça parle jamais de renard? Ouais, c'est vraiment décevant. Il s'appelle Howerly Fox. Fait que c'est aux 60 minutes, finalement.